Allez, 1, 2, 3, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast numéro 17 de Youngtis et on est là pour parler NBA. Avec moi, il pleure son Black Mamba, mais il recommence à se toucher sur les violets de la Cité des Anges, c'est Max. Salut. Et avec lui, il y a un petit gabarit, mais une grande gueule du Nord qui a triomphé de l'Est et qui est toujours sur son petit nuage depuis juin, c'est Sativa. Salut. Alors au programme, on va commencer par un petit débrief, preview de la conférence Est. Petit tour à l'Ouest avec potentiellement quelques débats houleux sur la fin, je ne veux pas spoiler. Il y a 2-3 pronos sur MVP et compagnie, éventuellement un petit bracket, et quelques petites questions pour terminer, ça vous va les gars? C'est parfait. Alors bah, pour commencer, commençons par les tocards justement, à l'Est. On est bien d'accord pour dire que Nets et Philadelphie, ça va être dégueulasse. Complètement. Surtout que les Nets, je pense qu'ils sont sortis les plus débiles de la ligue. Ils ont balancé des tours de draft. Ah, oh, je suis pas d'accord. Bah, attends. Ouais, ça a changé maintenant le front office. Ouais. Autant tu peux dire que l'ancien régime était vraiment teubé. Ouais, là, maintenant, c'est vrai que. Bon, après, c'est vrai que du coup, tu te dis ils vont potentiellement faire une saison dégueulasse avec des défaites de partout. Pour qu'au final, ce soit les Celtics qui récupèrent leur pick, c'est quand même. Pour le coup, c'est vrai que c'est. Ouais, oui, ils ont récupéré un Cavalier Colt et Spurs il y a quelques temps, donc je pense qu'ils vont faire la bonne voie, même si ça va être une saison pourrie. Qui a l'air un peu de s'ouvrir à l'Europe, un peu, bah, comme du coup Philadelphie, là, qui ramène alors le Croate, dont j'ai oublié le nom, je crois. Saric. Voilà, exactement. Et qui, au final, il n'y aura pas trop embouteillage tant que Ben Simmons sera blessé. Je crois qu'il en a pour un petit moment, même si ça parlait même de pas du tout de saison, à un moment, je crois. Ouais, ils en parlent, parce qu'il y en a pour. C'est des fractures qui sont très sujettes à la rechute. C'est ce que Kevin Durant il a eu il y a quelques années. Deux ans, je crois. Deux ans, et il avait rechuté au bout de 10 matchs quand il est revenu, je crois, un truc comme ça. Donc c'est très dangereux, comme surtout pour un jeune joueur. Ouais, après, je pense que justement, enfin, ça arrive, au début, je me disais, ils le prennent, ils ont à peu près le même joueur, ils ont drafté à peu près le même joueur avec Simons, et finalement, ils ont bien fait de le ramener, parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin sur le début de saison, au moins sur le début de saison, parce que Simons étant blessé, on va en avoir besoin. Après, le problème sur la saison, c'est que pareil, ils vont prendre des défaites de part aussi, quoi. Même s'il y a un peu un embouteillage dans l'effectif, moi, je trouve, du poste 3 au poste 5, c'est quand même. Il y a un pivot à virer, mais bon, il y a personne qui en veut, on dirait. Ou alors Philly demande trop. C'est possible aussi, ouais. Après, le problème, je pense que celui qui veut le virer, c'est Okafor. Et vu la gentille réputation qui s'est déjà faite au bout de la saison, je suis pas sûr que les autres équipes aient vraiment envie de prendre le risque. C'est ça le problème. C'est surtout qu'Okafor, c'est, bon, ouais, c'est quand même celui qui veut le trader, mais c'est le pivot dont plus beaucoup d'équipes veulent aussi. C'est le pivot qui joue près du panier, et dans la politique NBA où tout le monde sait shooter à 3 points, Okafor, il a de moins en moins sa place. Ouais, je suis assez d'accord. En plus de ça, moi, c'est ma réflexion en moi, mais je me dis qu'il y a pas mal d'équipes qui doivent espérer que des Marcus Cousins testent le marché l'été prochain, et du coup se disent on va pas griller nos billes éventuelles en prenant ce mec-là, qu'on saura pas quoi faire si on arrive à signer Booby. Ça, c'est ma théorie à moi. Ouais, après, les Sixers sur Simon, ils savent pas s'ils prennent le risque de le refaire jouer, sachant que ça va pas changer grand chose à leur saison, ou si alors vaut mieux quand même lui donner quelques matchs, une mise en jambe, pour dire de pas arriver sans expérience NBA déjà la saison prochaine, quoi. C'est assez dommage, moi je trouve, parce que c'est toujours dommage quand t'as une blessure comme ça, mais tu disais que potentiellement sur le nom, avec Saric aussi, t'avais moyen de faire quelque chose, que cette équipe elle allait enfin sortir des bas-fonds qu'elle a côtoyé pendant un bon paquet de temps, puis au final. Ça fait flop un peu, quoi, en espérant qu'il se redresse vite. Surtout que c'était une attraction essentielle, Simons. Enfin, moi, j'avais envie de voir Simons jouer. Ah ben, je pense que si t'as regardé un minimum la pré-saison, ouais, ou voire même les Summer League, ah oui. Plus qu'il a fait. Il fait baver, hein. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair qu'on avait envie de le voir, voilà. Après, ça peut arriver malheureusement à tout le monde, et bon, voilà. Ce qu'on espère, c'est que, il se fera pas une Embiid, parce que Embiid, c'est comme deux ans hors du terrain. Et ça serait dommage que Simons, il fasse la même chose. Après, quand tu vois l'effectif, de toute façon, ouais, Simons, ça aurait été intéressant, mais alors après, le reste. Ah, après, ils ont ajouté des joueurs intéressants quand même, hein. Il y a Rodriguez, l'Espagnol, qui est arrivé, Bayless, qui est un joueur confirmé maintenant. Bon, c'est pas un effectif de très haut niveau, mais en soi ça pouvait faire un tout pas dégueulasse, quoi. Sur la somme, ouais, effectivement, je trouve que ça peut être assez intéressant. Maintenant, avec les Nets, je pense qu'ils sont condamnés à faire le fond du fait tout à l'Est. Par contre, après, il y a quand même un paquet d'équipes au milieu où je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. je sais pas moi, Magic, le Heat, enfin le Heat, alors ils pleuraient sur un été comme des cochons. Le Magic, moi je comprends pas leur certaines de leurs décisions. J'ai pas compris l'intérêt de ramener Jeff Green pour un an, 15 millions, sachant qu'il compte faire jouer Gordon en 3, qui a plus de potentiel et qui va se faire bouffer ses minutes. Ah, il a Gordon au niveau du shoot quand même en 3. Et que, ouais, c'est ça, mais le problème c'est que la raquette elle est blindée, Ibaka, Vucevic, Biombo. C'est sûr qu'avec ça, il faudra t'amuser à aller chercher un rebond là-dessous. Il y a même Ibaka dans le tas aussi. Ah ouais, Ibaka, Vucevic et Biombo, ça fait les 3 hein, déjà. C'est vrai que là, au moins, c'est vrai qu'à l'intérieur ils sont venus. Hein. Ils devraient pas avoir de soucis à l'intérieur et au rebond quoi. Mais ils ont laissé échapper Oladipo du coup. Et Green c'est un 3-4 en plus, donc il peut même pas dire de passer au poste 2. Il y a Ezonia qui se fait bouffer des minutes aussi. L'avenue de Jeff Green, déjà, c'est un mec sympa, mais je comprends pas pourquoi le Magic l'a pris. Et j'ai toujours des doutes sur Elfrid Payton à la main, quand même. Je le sens vraiment pas trop. Ouais, je t'en rejoins un peu. Après, avec leur nouveau coach, là, qui s'est quand même, quand il était au Pacers, s'est appuyé sur une grosse défense, peut-être, qui va redonner à Ibaka. C'est ce qu'il veut faire, hein. Ouais, l'aspect socle défensif. Après, de toute façon, je pense que quand t'as Vucevic, Oladipo, Ibaka, même Gordon, pour passer ça, enfin, s'éclater quand même. Mais après, ouais, je suis pas, même Fournier, j'ai un peu des doutes. Enfin, je sais pas trop. Le Magic, c'est pas franchement une des équipes qui m'enthousiaste à l'Est. Bah, après, comme le Heat, même si le Heat, j'aime bien le nouveau truc de Whiteside en. Enfin, je sais pas, redonner les clés à un pivot, ça. Je sais pas pourquoi, ça m'excite un peu. Ouais, je sais pas pourquoi, mais. Après, pour le Magic et pour ça, Fournier, je pense que le problème, là, c'est que là, il va clairement être première option, quoi. Parce que Gordon, c'est pas lui qui va prendre des shoots de loin, quasiment le seul shoot à 3 pour Fournier, quoi. Et on sait qu'il peut parfois être un peu irrégulier, quoi. Donc c'est un problème. Ouais, et ouais, il va partager avec Vucevic, je pense, quand même. Ouais, non, mais voilà, non, mais genre, à l'extérieur, ça va être lui quasiment la seule option, quoi. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient quand même drafté Ezonia à la base pour ramener du shoot à 3 points. Et ils se débarrassent complètement, là. Ouais, ouais, et l'année dernière, ils l'ont pas du tout utilisé, quoi. Non, bah, et le post-1, Payton, il s'est pas shooté non plus. Hein. Et puis Augustine, c'est pas un joueur exceptionnel non plus, hein, Augustine. Donc bah, c'est correct quoi. Bah, c'est correct, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est un remplaçant quoi. On continue à parler d'équipes qui ont été un peu bâties bizarrement. Vous avez compris le marché des Bulls où c'était? Alors les Bulls apparemment ils veulent repartir sur une dynamique directe. Ouais, mais alors par contre franchement la triplette Rondo, Butler, Wade, j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que franchement j'y crois moyennement quand même aux trois là. Moi je te dis que ça va donner rien du tout. C'est ça voilà. C'est... Parce que moi c'est trois mecs qui veulent avoir le ballon. T'en as deux sur les trois qui font quasiment pas de passe quoi. Butler et Wade c'est pas les passes de la NBA donc ça va être sympa quoi. Ah Wade ça va encore. Le problème c'est que c'est le problème par rapport à Wade Rondo. Après, ouais, c'est un joueur intelligent, mais bon, c'est quand même deux joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les mains. Jimmy Butler, peut-être un peu moins, mais Rondo, l'année dernière, par exemple, chez Kings, le problème, c'est que il avait toujours le ballon dans les mains, et ça faisait chier tout le monde. Ouais, c'est un meneur qui... C'est quand même un bon meneur de jeu. Alors, en tout cas, j'ai lu par rapport à Wade qu'il comptait devenir un shooter à 3 points. Mais complètement. Et je pense qu'il va, pour que ce trio marche, c'est encore une fois lui qui va se mettre en retrait. Comme il avait fait pour laisser LeBron James prendre le leadership à Miami. C'est bizarre pour l'enfant du pays qui revient dans sa ville de se dire bah, je vais me foutre derrière les autres. Quoi. Mais, je sais pas, je trouve qu'ils ont, bah, même dans le trade pour dans le trade avec les Knicks, bah, justement pour les Knicks, je trouve qu'ils ont fait un peu dépouiller sur certains trucs. Tu perds Noah aussi, à l'intérieur, ouais, j'ai pas les Bulls, moi cette année, je les vois pas du tout comme des contenders, quoi, mais vraiment pas. Non, mais je sens quand même que c'est une équipe qui peut accrocher la 8e, la 7e place. Ouais, potentiellement, mais après, ce qui me fait peur un peu, c'est que Rondo White, je sais pas pourquoi, dans l'idée d'images de sales mecs qui peuvent se tirer la balle vers eux plus que vers l'équipe. Ouais, c'est flippant aussi le duo. Bah, même, tu peux même rajouter Butler, quoi. Enfin, genre, les trois, c'est pas. Je pense qu'à mon avis, si ça commence à enchaîner les défaites dans le vestiaire, ça risque d'être sympathique pour les trois. Dans un vestiaire sympathique, au niveau des Knicks, du coup, avec leur genou United, tous les mecs se sont fait les croisés. En playoff ou pas, du coup? C'est vraiment les limites, mais pour moi, on a quand même beaucoup entendu parler cet été, mais enfin, pour moi, c'est une équipe de briscards. Je veux dire, Rose, il a beau être jeune, je le considère comme un vieux vu le nombre de fois où il s'est blessé. Carmelo va faire sa saison. Noah, faut quand même qu'il mette le pied sur un parquet aussi. Enfin, il y a tellement de si. Si lui va bien, que c'est difficile à dire en fait. Moi je pense qu'ils peuvent être en playoff, mais s'ils n'ont pas de blessés. Voilà. S'ils ont des blessés, type Noah, Rose, habitué à ça. Pour moi, là, c'est la saison va être heureux, quoi. Ils vont pas chercher des filles dans des hôtels aussi, enfin, ce genre de trucs. Ouais, aussi, oui. C'est un peu. Mais après, ouais, j'aime bien l'association Noah, Porzingis ou à l'intérieur. Vraiment Jennings, le chouchou de Sativa en sortie de bord, je veux bien l'avoir, tu sais. Tout le monde l'adore déjà à New York. Je pense en plus avec son côté foufou, le mec il va forcément avoir des fans. Mais après, dans le taf, hein, moi je sais pas, c'est Melo. Déjà que Melo, les dernières années, je le trouvais vraiment surcoté là dans cette équipe-là. Là, il a pas le choix, par contre. Puis il va falloir qu'il accepte de pas être la seule star en fait de ça, je crois qu'il aura un peu mal à la... Déjà dans l'effectif, la star auprès du public, le vrai New-Yorkais qui a une histoire avec la franchise, ça va être Joakim. Voilà, c'est ça, ouais. Là, ça tire un peu les spotlights. Est-ce que l'autre, il est capable d'encaisser ça? J'ai pas trop l'impression, quoi. Je vous rappelle Jérémy Lin. Ouais, il avait moyennement apprécié. Ah, c'est pour ça. Donc, pareil, en matière de vestiaire avec une ambiance un peu pourrie. C'est ça. En plus, il y a Rose aussi. Enfin, voilà, il arrive aussi un peu Messard aussi. Puis il y a Porzingis qui pointe aussi son nez. Encore qui partage. Je suis pas sûr qu'il s'allonge forcément, quoi. Après Rose, il n'y a pas trop d'attentes. Il n'y a pas d'énormes attentes. On sait qu'il est blessé de partout, qu'il a connu des saisons difficiles. À la limite, ça ira mieux pour lui. Moi, c'est vraiment Carmelo aussi que j'attends au tournant, parce que s'il va pas en playoff avec cette équipe, s'ils sont en bonne santé, s'il fait pas une bonne saison, le côté surcoté quand même commence à prendre très grand sens. Il va avoir du mal à trouver des excuses cette année. C'est ça, voilà. Et puis, va falloir, enfin, c'est Melo, la saison dernière, il avait bien commencé en partageant un peu le ballon et tout. Hein. Il avait fini, mais en net, mais perso, en Carmelo Anthony, quoi. Et s'il fait ça cette année, ça va pas moyennement faire. Alors, il est blessé en plus l'année dernière. Ouais, en plus. Si cela joue perso cette saison, ça va moyennement passer, quoi. Parce qu'il est pas si mal entouré que ça non plus, quoi. Enfin, même si le banc, moi, me pose un petit peu en question, je suis pas vraiment fan du banc, mais le 5 est quand même pas mal, quoi. Vraiment, il y a trop de points d'interrogation, en fait, c'est ça. Après, ce que tu dis, trop de points d'interrogation, j'ai l'impression que c'est quand même le cas pour beaucoup de franchises à l'Est, en fait. Tu regardes le 8, passer sur le 8 un peu, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose comme certitude. Le hit, c'est un peu dépouillé quand même. La star de leur équipe finalement, c'est leur coach, j'ai l'impression. Dragic, c'est le reste, c'est mort. Je les vois pas faire les playoffs, hein. L'effectif est faible. Ah non, mais là, l'effet est vraiment trop faible. Enfin, voilà, quoi, À la limite, s'il y avait Chris Bosh, à la limite. Mais bon, vu qu'il est parti pour plus refaire du basket de sa vie, ça va être compliqué. Cette franchise-là, j'ai aucun doute sur le fait que Pat Riley va arriver à rebâtir quelque chose dans les années qui viennent. Oui, avec lui, enfin, tu te fais aucun doute, quoi. C'est clair qu'avec lui, ça mettra peut-être 2-3 saisons, mais voilà, il va refaire un truc sans souci, quoi. Oui, c'est ça, ce mec-là, tu le lâches en slip sur la banquise, tu le retrouves donc à bord d'une piscine avec les poches bourrées de dollars 3 jours après, quoi. Donc, au final, j'ai aucun souci pour eux, mais autre équipe vraiment malade, moi, que je trouve, enfin, je pense, ça va vraiment chuter par rapport à l'année dernière, c'est les Hornets. Il n'y a pas de banc, il y a Batum qui est vraiment tout seul. Alors, pour le coup, ouais, sportif français le mieux payé. Ok, ouais, mais putain. Si c'est leur franchise meilleur, comme il a été à Rio, on va rire, les gars. Je pense qu'il compte plus sur Kemba Walker quand même en franchise player. Ouais, je pense. Après, Charlotte, ils ont quand même pris Roy Hibbert, qui peut être intéressant en pivot. Je sais, mais revenir dans un système où il fera juste la tour de contrôle, pourquoi pas? Surtout que Charlotte avait Al Jefferson, c'était pas possible. Quoi. Ouais, mais Roy Hibbert, ça fait combien de temps qu'il a pas fait une bonne saison? C'est affolant, quoi. Il vit encore sur la bonne saison qu'il avait fait au Pacers, mais depuis, il est mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, au Lakers, c'était abominable. C'était abominable, ce mec. Après, il était peut-être pas dans un contexte. Mais à Charlotte, il sera mis en concurrence parce que Cody Zeller, il pousse pas mal derrière et s'il se bouge pas, il va finir sur le banc. Donc, on verra ce que ça peut faire. Après, il y a Kildrick qui revient, je crois. Ouais, c'est ce que j'allais en parler. Kildrick, c'est quand même c'est un socle, là, quand même, là-bas. Ouais, mais le problème, c'est interrogation, quel niveau il va revenir, quoi. Parce que lui, les blessures, c'est. Il connaît plus l'infirmerie que le terrain de basket, c'est un problème. Ils vont peut-être lui aménager les minutes, mais le problème, c'est que si tu l'aménages les minutes, tu mets qu'à la place, quoi. Bah, après, Kildrick, c'était des problèmes d'épaule, et vu qu'il s'est pas shooté, de toute façon, ça impacte pas grand-chose. Hein. J'étais déjà tombé sur des stats. Kenny Chris, de ce qu'on voit, il change quand même tout chez Charlotte parce que c'est vraiment le. C'est un monstre défensif quand même. Non, Il mais faut c'est. ce joueur capable de tenir la star adverse. Et Kenny Chris, c'est le bon client. Bah Après, voilà, bah. parce que bah, c'est Ouais, pas voilà. Batum qui va faire ça. Enfin, Batum, il peut un peu tout faire, mais défendre sur LeBron ou sur Durant, il pourra pas, quoi. Enfin, Non, il peut pas, mais il basculera poste 2, je crois, encore cette année, Batum. bah, je pourrais, c'est qu'il va jouer aussi. En soi, l'équipe est pas mauvaise, mais moi, ce qui me dérange, ce qui, moi, Kemba Walker, il me dérange toujours. Dans quel C'est, sens? je trouve qu'il prend, par rapport au volume de jeu qu'il a, ses pourcentages sont très bas, et je trouve pas qu'il drive vraiment son équipe. Je le trouve très, très individualiste, en fait. Ah, c'est un croqueur, quoi. Ça, c'est... Oui, bah, un petit Après, peu. Ah, mais j'ai l'impression que c'est le frein à cette équipe aussi. Ouais. Oui, non, c'est pas faux. Je suis Après, bon. sceptique, moi, Kemba Walker, depuis Moi, le début. je suis sceptique sur Charlotte en général. Après, j'aimerais bien voir Kaminsky exploser un peu. J'aimais bien quand il était en NCAA pour le peu que je regardais. Bon, après, des équipes où il y a des jeunes prometteurs comme ça. Ah non, déjà, je les vois pas accrocher les playoffs, clairement pas. Parce qu'il y a quand même du monde devant eux. Ah, et notamment les Bucks, qui eux, pour le coup, ont des jeunes prometteurs qui sont des braves mutants, quoi. Ah ouais, mais les Bucks avec Middleton au moins pour toute la saison, j'y crois plus. Je pense pour accrocher un spot à la fin, éventuellement, mais après, je sais pas trop ce qu'ils font avec cette équipe-là de mutants, là, comment dire, autre chose, hein, entre Thon Maker. Le mec, il a des bras, il se touche les genoux sans se pencher. L'autre, Jabari Parker, je pense que cette année, il revient bien de sa blessure. Il peut vraiment. Il doit exploser, j'ai Ouais, pas. c'est ça. Si ça doit être un moment pour lui, c'est maintenant, quoi. Après, Giannis, par contre, Giannis, je pense qu'on en attend trop pour cette année. Mais vraiment. Même si lui aussi, enfin, potentiel Ah, All-Star. avec monstrueux potentiel. Tu parlais de Thon Maker qui pouvait se toucher les genoux sans se blesser, lui c'est pareil. Hein. Il est partout. Hein, au fond, Mais athlétiquement, au moins ils ont une équipe pour aller vraiment bouger tout physiquement C'est ça, ouais. beaucoup d'autres. Ouais, Hein. mais Thon Maker, il jouera quasiment pas la saison. Après, ils ont aussi recruté Dellavedova, lui c'est un chien, et défensivement il va leur faire aussi un bien fou. Ah, Dellavedova, quoi, quel casse-couille. Mais Mais ah, ouais, carrément, lui, oui, oui. ça va être un Après, fou. moi, je sais pas. Bon, Moi, il va c'est. falloir trouver un hôpital pas loin de la salle, mais parce que le temps d'hydrater, ça va pas le faire, mais s'il va rien lâcher, quoi. Moi, j'aime bien plus surtout le recrutement de Teletovic. Parce que Oui, je trouve que c'est un très très bon joueur en sortie de banc qui peut vite prendre feu et dans une équipe qui manque de shooter et il va avoir son rôle à jouer quand même. ouais, je pense que cette année, ils vont encore se traîner comme un boulet Greg Monroe. Je suis Ah ouais. pas Oui, bah du ça, tout ce oui. qu'ils vont en faire. Bah ça, non, mais ça, c'est clair. Après, en même temps, ils ont fait la connerie. Ils prennent un pivot qui défend pas. Au Après, le premier, problème, c'est que. tu fais défoncer l'arrière, quoi. C'est bien, hein. Après, ils barrent leurs joueurs. Enfin, Henson, il a du potentiel. Pareil, Henson, c'est des bras de mutant. Hein. Franchement, envergure, Henson, c'est un des meilleurs que tu peux trouver en NBA. Mais pareil, il joue pas beaucoup. Et Mice Plumlee, bon, c'est un bagarreur, mais ça reste un joueur limité, quoi. Sachant qu'ils vont pas faire jouer Thon Maker cette saison parce qu'il est fin comme une brindille et qu'il y a 150 pivots devant lui. Greg Monroe va encore bouffer, encore prendre 25 minutes en sortie de banc, quoi. Je pense que Maker, il peut pas en sortir en 4. Ah, Maker, il va se faire bouger de partout. Hein. Il a une science du rebond et tout. Franchement, il a des super qualités. En plus, il a un petit shoot sympa. Mais bon, il est léger. C'est très, très, très, c'est très tendu quand même pour lui. Ah ouais, non, mais j'entends ce que tu dis là-dessus, mais enfin, moi, j'imagine pas qu'un mec qui a été pris dans le top 10, il le passe pas jouer l'année, quoi. Le problème, c'est qu'il était même. Enfin, il était pas dans ses top 10 à la base. C'est ça le truc. C'est que Thon Maker, tout le monde le voyait couler super loin parce que il a joué dans une. Dans, il a fait quoi? 11 points, 10 rebonds, un truc comme ça en high school, dans un truc paumé au Canada. Où tout le monde se disait, bon, Thon Maker, il est gentil, mais il joue dans un vieux lycée pourri au Canada, il fait pas des stats de folie. Et à chaque rencontre internationale avec tous les meilleurs jeunes du pays et du monde, il a bidé. Donc il est descendu super bas dans les drafts. Et tout le monde était surpris d'avoir vu les Bucks le prendre en 19 ou 10, je crois. Donc après, c'est surprenant, mais je le vois pas jouer cette saison. Le laboratoire de Milwaukee qu'elle a encore testé, je pense, Ouais, quoi. bref, en plus, je viens de dire penser, mais il y a Beasley qui est arrivé. C'est pareil, c'est un 3-4, ça fait des minutes en moins. Il va faire du garbage time, il va se développer là cette saison. Et je pense que la saison prochaine, il sera déjà plus. Ils le feront jouer plus souvent. Ah, tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. Après, je sais pas, hein, c'est dans leur laboratoire, peut-être qu'ils le feront jouer pivot titulaire des débuts. Hein. Ah, sacré paire de balles au chez mec. C'est clair, ouais. Après, dans les autres équipes, moi je sais pas, que vous pensez quoi du meilleur back courte de la NBA, Wall Bradley Beal? Bah, c'est pas mal. Le problème, c'est que Beal va falloir. C'est pareil, son dernier, il a quasiment pas joué. Et voilà, à voir si revient bien, ça peut être pas mal, c'est clair. Ils ont quand même une bonne équipe. Ça peut, si Beal se blesse pas, je pense que ça peut largement faire les playoffs. Ils ont quand même. Surtout dans la raquette, je trouve quand même pas mal. Bah, potentiellement, Bradley Beal, c'est un excellent arrière. Même sur le jeu, sur ce qu'il montre, le peu de fois il joue, c'est quand même un mec qui tourne à 20 points par match facilement sur toute la saison, normalement. Sauf que le problème, c'est qu'il squatte l'infirmerie. Et à titre personnel, j'ai quand même toujours des doutes sur le leadership de John Wall. Enfin, je le vois jamais, je le vois pas faire être un joueur décisif, être un joueur qui surélève son équipe. Enfin, je sais pas, je reste sceptique sur John Wall encore. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il progresse énormément quand même depuis qu'il arrive en NBA. Ouais, je sais pas, quand même, quand il est arrivé, il avait pas trop de shoot de mémoire, là, maintenant, c'est quand même plus... Il essaye de shooter, mais ça reste... Ah oui, sur le leadership, c'est d'accord, mais bon, après, ils ont jamais non plus été en situation où c'était à lui de remonter, de montrer que voilà, il avait les baloches qu'il fallait pour gagner une série ou ce genre de truc. Je pense que ça se bâtit aussi un peu là-dessus. Mais vous savez, l'effectif qu'ils ont, les jeunes et autres, je suis content de voir que c'est Scott Brooks qui récupère l'affaire, du coup. Parce que c'est quand même lui qui était à la tête de la pépinière du Thunder, là, quand ils avaient tout leur brave foufou, là, entre Harden, Reggie Jackson et compagnie. Il en a développé quand même plus d'un. Donc, curieux de voir ce qu'il va faire à cet effectif-là. Bon, après, je pense que ça, premier tour de playoff, et puis ça va, quoi. À voir, ouais. Dans cette équipe, moi j'aimerais bien voir aussi, tu vas donner autoporteur, c'est peut-être aussi la saison maintenant, lui, peut-être la saison pour se montrer vraiment, quoi, parce qu'il aura l'opportunité vraiment de montrer ce qu'il vaut vraiment. Quoi. Je pense à lui et à Kelly Oubre aussi. Aussi, ouais. Aussi. Même si bon, le mec il a quand même l'air d'avoir deux neurones et demi, quoi, mais bon basketteur quand même. Et à un moment, il me semble qu'il était vu quand même dans les premiers choix de la draft, quand il a fait, avant qu'il fasse son année supplémentaire. Lui, pour le coup, il aurait peut-être mieux fait de mal à faire. Mais donc pourquoi pas, s'il arrive à, ne serait-ce que leur donner un cadre et les développer un petit peu, je pense c'est intéressant, quoi. Puis, s'il pouvait donner un cerveau à Marquis Morris, ce serait bien aussi. Voilà, tu lui demandes peut-être un peu trop aussi. Voilà, c'est ça, oui. Après, tu me diras, il y a un autre Maurice qui s'est éclaté, c'est son frère à Détroit, ouais. Là, pour le coup, Détroit, vraie belle équipe, quoi, j'aime bien. Ça va jouer les playoffs, ça, de toute façon. Ouais, non, mais c'est vrai que ça va être. Ils ont toujours leur duo Jackson-Zeman, normal. Hein. Ah, Jackson, il est blessé pour 6 semaines, je crois. Il loupe un quart de la saison. C'est Ish Smith qui prend C'est moins bien. C'est moins bien sur le papier, mais franchement, Smith, c'est un bon meneur aussi. Partout où il est passé, là, dernièrement, il a fait quand même des très belles performances. Et je sais qu'il avait une très très, aussi Sixers, il avait une très belle connexion avec Nerlens Noël. Là, Smith titulaire, ça a coïncidé le moment où il y a, je crois que c'était deux saisons où Noël avait complètement explosé en fin de saison, il avait pété tout le monde. Et avec Drummond, c'est à peu près le même profil, donc niveau compatibilité, c'est ça, normalement ça marche. Après, moi, il y a un joueur que j'aime bien dans cette équipe, c'est Caldwell Pardon. Ah, c'est un bon défenseur, shoot à 3 points. Franchement, c'est un. C'est un bon soldat. Ouais, c'est un bon. Il fait tout ce qu'il a à faire, il le fait plutôt bien, et vraiment un joueur important de l'équipe. Si je pense qu'il va souffrir de l'explosion annoncée de Stanley Johnson, qui cette fois-ci va tourner en 25-5, quoi. C'est évident. N'est-ce pas? Mais sur le papier, le bout de banc, est un peu faiblard au bout d'un moment. Au niveau des extérieurs, ça fait un peu faible. Mais sur le papier, c'est quand même une équipe solide, hein, une équipe solide de l'Est. Hein. Je pense qu'ils vont faire jouer, Harris ou Morris au poste 4. Ça risque d'être Harris, je pense. Pour laisser le gros Drummond tout péter dans la raquette et prendre un tir bon par match. Marjanovic en remplaçant, c'est très intéressant quand même, mine de rien. Avec Aaron Baines qui peut écarter, John Lower qui peut écarter, Ellenson le rookie qui a un shoot à 3 points intéressant aussi. L'extérieur peut-être pose un peu problème. Derrière Caldwell Pope, il n'y a personne. Mais la raquette est bonne, le 5 de départ est solide, Détroit, ça peut faire un solide 6e, 5e place. Ouais, je pense que ils ont joué une bonne équipe, après, comme dit, il manque clairement de banc. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu général à beaucoup d'équipes de l'Est, quoi. Enfin, l'absence de banc. Bah, là, le problème avec Détroit, c'est que c'est le banc extérieur. De toute façon, soit le banc intérieur est plutôt rempli, mais c'est vraiment l'extérieur où, en arrière, par exemple, j'ai beau chercher, il n'y en a pas. Non. Ils jouent avec Jackson, Ishmis et Caldwell Pope, donc ils font un trio. Mais là, il n'y a personne. Il y a le vieux Steve Blake, mais bon. sert pas à grand chose, quoi. Pour une équipe solide avec une grosse raquette. En parlant de grosses raquettes, justement, ben, et en fait, les Atlanta Hawks, alors, avec le retour du bon Dwight, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, mais moi, je le vois faire une très belle saison, Dwight Howard. Oula, sur OM, alors, toi. Vraiment, Dwight Howard, je pense qu'il a quand même été. Il a fait son pourri parce que le vestiaire était quand même vraiment. C'était vraiment le chaos chez les Rockets. Et mine de rien, c'est quand même à cause de ça, je pense qu'il a fait une sale saison. Enfin, une sale saison, en tout cas, qu'il n'était pas motivé, qu'il faisait n'importe quoi. Ça a quand même dû jouer sur son mental, mental très fragile, bien sûr. Il va jouer en. Il va être pour la première fois depuis Orlando. Ce sera lui la star de l'équipe. Ce sera la star, mais je pense qu'il y en a un aussi qui peut venir aussi. Il peut très vite lui prendre un peu la vedette. Pour moi, c'est Schroeder. Ouais. Je pense que si Schroeder attire la lumière, Howard va faire la gueule parce que ce sera pas lui la star et que ça va le gonfler, que ça va revenir à la même chose. Howard, il a passé la trentaine. Il me semble qu'il est. J'espère en tout cas pour lui qu'il a un déclic et qu'il comprend qu'il est dans la seconde partie de sa carrière, la fin de partie de sa carrière, qu'il doit commencer à faire ce qu'on lui demande, à faire des pick and roll. C'est ce qu'il a fait en pré-saisonneur, il fait beaucoup de pick and roll, ce qu'il ne voulait absolument pas faire avant, à commencer à se mettre au service de l'équipe, ce qui a l'air de d'ailleurs. C'est de la pré-saison, ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche quand même plutôt bien pour le moment. Il tourne en 20 points, 10 rebonds, ce qui est pas trop mal. Et puis il sera encadré par un très bon coach, un très bon staff. Mine de rien, si ce sera pas le Dwight de Orlando, mais si tout se goupille bien, qu'il est pas trop blessé, il peut faire une très belle saison. Moi, Schroeder, il est très flashy, mais je le trouve très surcoté quand même. Enfin, ce mec, quand même, il a des couilles en acier trempé, le mec, quand il a, au niveau de la pression, quand il a dit, ouais, sortez de Jeff Tick, foutez-moi titulaire, vous allez voir ce que je vais faire. L'année dernière, il s'est quand même pas échappé. Un match sur deux, il était pourri, Schroeder, quand même. Ah, mais bon, il y en a d'autres, hein, qui font un match sur deux pourri, hein. Après, ils ont fait des carrières comme ça, mais. Non, après, je te rejoins un peu sur Howard, dans le sens où je pense qu'il respectera plus Budenholzer qu'il a pu respecter le staff à Houston l'année dernière déjà. Mais après, avec son dos en sucre, machin, il va. Quand il va s'enquiller les duels avec Drummond et tout, je sais pas trop. Par exemple, ça va être dur. Ouais, voilà, vu que c'est quand même un peu un jury prone, le garçon. Je sais pas, moi, Atlanta, je les vois faire une moins bonne saison que l'année dernière. Mais bon, après, oui, c'est, de toute façon, à l'Est, tu te dis facilement, cette équipe-là, elle est top 6, quoi. Ouais. Je les vois pas. Je sais pas si je les vois faire une moins bonne saison parce que. Ça, en fait, ça dépend beaucoup de la santé d'Howard, mais si au moins il est en bonne santé et qu'il joue les matchs, mis ça pour Howard quand même dans la raquette, il va falloir y aller. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr par contre. Parce que le problème d'Atlanta, on l'a dit depuis trop longtemps, c'est qu'il n'y a pas de taille, il n'y a personne qui s'attrape à un rebond là-dedans. Là, ils ont chopé un vrai pivot de métier quand même. Ils ont chopé quelqu'un qui peut défendre un peu le cercle en fait. Ouais, et Millsap, c'est un très bon défenseur aussi. La raquette va durer à chercher. Bon, la question, c'est toujours les postes extérieurs et le 2 et le 3 qui sont un peu délaissés. Mais s'ils sont portés par leur raquette, ils peuvent faire une très belle saison, je pense, les Hawks. Hein. Et Schroeder. Ben. Si Kai Korver recommence un peu à arroser à 3 points, après, pourquoi pas. Hein. Ah, il est vieux, Kai Korver, quand même. Là. Ah, il vise pour ça. Là. Et là, il arrose surtout à côté que dans le panier. Quoi. C'est pas ça. Au pire, ils auront Tim Hardaway Junior pour remplacer. Hein. Ouais, c'est pas un mauvais shooter, ça aussi. Ouais. Ouais, c'est pareil, c'est des mecs qui prennent feu de temps en temps et qui étaient le lendemain. Mais Kane Bazemore a fait une bonne saison. L'année dernière, c'était une bonne saison. Ils ont pris Jared Jack en meneur remplaçant. Ce qui est un très bon choix pour faire du bien à Schroeder, pour amener de l'expérience derrière. Un mec qui sait gérer une équipe. Ouais, potentiellement, c'est une équipe solide. Sauf au poste 3 qui est un peu faible. L'Atlanta à Indiana, il n'y a qu'un pas avec le trade. Notre ami Jeff Teague, du coup, ouais. Atlanta serait pas par hasard l'équipe casse-couille par excellence à l'Est cette année? Tu veux dire Indiana? Pardon, Indiana. C'est la grosse cote. Et je suis d'accord avec ça, c'est la grosse cote et je pense qu'ils vont faire une très belle saison. Moi, je les mets top tiers de l'Est cette année. Déjà, le 5, là. Ah, il aurait dû lire le 5. Oh, le 5, ouais, il est quand même assez énorme. Après, le truc, c'est que là, maintenant, Turner va être le titulaire et ça va t'arriver un peu de. Après, tu vois, ils vont commencer avec Turner titulaire, mais t'as Jefferson quand même qui peut prendre le relais en poste 5. Enfin bon, Paul George, c'est un monstre. Moi, je le vois bien exploser cette saison, Miles Turner, par contre. Hein. Oh, mais ouais. Il a toutes les qualités pour le faire, mais maintenant, voilà, maintenant il est titulaire et ça va être à lui très. Et franchement, ce papier Indiana, ça envoie du lourd quand même. Quand tu commences avec Jeff Teague, Monta Ellis, Paul George, Thaddeus Young et après tu alternes. Miles Turner et même Al Jefferson encore, il n'est pas pourri. Al Jefferson, Ty Lawson peut-être qu'il peut faire quelque chose. Rodney Stuckey toujours présent, CJ Miles toujours présent, Lavoy Allen, le soldat dans la raquette. Oh, c'est pas mal. C'est le, retour, ça, le retour d'Indiana qui s'est battu contre le Heat de LeBron en finale. Hein. Enfin, et Paul George, c'est quand même le deuxième meilleur joueur à l'Est après LeBron. Et il revient à peine, enfin, il a fait qu'une saison quand même depuis sa blessure, il a déjà envoyé du lourd, il a failli sortir les Raptors à lui tout seul quand même. Cette saison, il va être encore plus, il va avoir, je crois, 26 ans, donc il va commencer à être vraiment dans le prime de sa carrière. Oh, Paul George, il peut envoyer du lourd cette année, et tout Indiana, moi, s'ils veulent, ils prennent la première place à l'Est. Hein. Mais, et puis surtout, déjà, Paul George dans son prime, il est quand même super bien entouré, quoi. Déconner. Quand on te voit, t'as Tig, Ellis, même Turner, enfin voilà, et t'as du Sion, ça va, c'est pas mal. T'as du Sion, c'est quand même une super recrue. Ouais, et pour le coup, le front office a vraiment géré l'intersaison. Il n'y a qu'un truc sur lequel je suis partagé, c'est d'avoir licencié le coach et prendre McMillan. Je suis pas trop, c'est con parce que. Oh putain, ça c'est la river. Ouais, mais je bouffe toujours le nom de l'ancien coach et. Vogel. Ouais, Vogel, voilà. Oh, je sais pas. C'est pour ça que je le bouffe toujours. Ouais, il souhaitait qu'il faisait quand même du super boulot. C'est un peu con, alors que Mike, ils sont quand même sortis plus qu'honorablement par Toronto. Mais après, je pense que. Pour moi, ça sentait déjà en fin de saison dernière, quand Harry Bird est sorti, il disait que l'équipe était offensivement et tout. Enfin, ça passerait pas que Gus allait se faire virer. Moi, déjà, dès la fin de saison dernière, je l'étais. C'est un super entraîneur, mais c'était vraiment la volonté de Bird de tout changer. Ouais, voilà, plus que sur Paul George, je pense que la saison, elle sera quand même. Comme tu dis, s'il devait aller chercher la première place devant les Cavs. Je crois pas trop, mais ça sera plus du fait de McMillan que de Paul George en lui-même, quoi, s'il arrive à le mettre dans des bonnes conditions et autres. Mais voilà. Après, pour venir à l'équipe qui les ont éliminés, Raptors sort d'un gros match à Cleveland cette nuit, n'est-ce pas? Ouais. Pareil, hein, c'est homogène, au final ils ont perdu que Biombo, ça a encore de quoi repartir pour le top 3 facile. Ils ont pris Sullinger, c'est pas mal du tout. Le gros Sully, oui, c'est sûr. Apparemment, il a laissé ses kilos à Boston, en tout cas. Bah, il était temps, quoi, parce qu'il avait le même cul que Kardashian, mais il bougeait moins qu'elle dans sa sextape, quoi, c'est pas possible. Après, Toronto, avec tout le respect que j'ai pour eux, j'y croirais jamais au duo de deux lanceurs de briques derrière. Ah, moi, j'y croirais jamais. Hein. Je sais pas, mais Laurie DeRozan, pour moi, ça ira jamais en finale. Jamais. Alors, la saison dernière, ils ont quand même eu chaud à tous les étages. Ils ont failli se faire sortir au premier tour. Ils ont eu chaud au deuxième. Et je sais pas, ils jouent tellement avec leurs arrières qu'ils oublient Valanciunas qui a des mains en or en pivot quand même. Et... C'est pas un des pivots les plus sous-cotés de la ligue, franchement. Ah, clairement. Ah. Dans une équipe où il serait au moins la première ou la deuxième option offensive, il ferait des super stats, je pense. Et c'est un très bon pivot. Je me fais toujours la réflexion, c'est que genre au Celtics, il serait juste parfait. Ah ouais, mais au Celtics. Après, je pense qu'à Toronto, le problème, c'est qu'il est en trêve 3, quoi. Ok, c'est Carole qui poste 3, mais il défend très bien, en plus il a plus de genoux, mais offensivement, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Pour moi, c'est là qu'il leur manque vraiment un mec, quoi. Tu vois pas. De Rozan, oui, il va jouer Toronto en poste 3, mais c'est clairement poste, quoi. Offensivement, il se fait bouffer partout, par tous les mecs qu'il peut prendre. Ah ouais, non, mais. Ouais, c'est ça. Déjà, de Rozan, c'est le gros problème, quand même, je pense. Hein. À partir du moment, de toute façon, quand le meilleur joueur de ta conférence, c'est LeBron qui va jouer 3 aussi. Ça va être compliqué de mettre DeRozan sur lui pour gagner le match. Hein. C'est ça, voilà. Après, Carole, défensivement, c'est vrai qu'il apporte pas mal, mais le problème, c'est qu'offensivement, il apporte pas grand chose. Et quand tu sais que les postes 3, c'est un peu quand même fait, quand même, pas mal d'équipes, c'est leur joueur clé quasiment, un peu compliqué, quoi. Bah, quand tu vas jouer contre. Surtout à l'Est, hein. George, ouais, LeBron. Plus. C'est ça, voilà, ouais. Batum. Moi, DeRozan, c'est. Le Rodan, ce sera vraiment compliqué parce que il a quand même du mal à aller chercher de distance, même s'il essaye, et défensivement, il est pas extraordinaire. Ça, je sais pas, c'est pour ça que le backcourt de Laurie de Rodan, j'y crois pas. Surtout qu'ils ont quand même une tendance à se pisser dessus en playoff. Ouais, peut-être que ça, cette année, ils ont passé deux tours, non, un tour. Peut-être. Deux tours ont passé cette année, non? Oui. Ouais, c'est deux tours. Ouais, enfin, ouais, le premier tour, ça les a pas empêchés de faire. Ah, ils ont eu chaud au cul, c'est sûr, mais. Ah, ça, c'est. Parce que. Ouais, bah... parce que la finale de conférence, ils perdent 4-2, ils ont gagné deux matchs, mais les 4 autres, ils se font exploser. Hein. Bon, après, c'est Cleveland, mais ils se sont fait exploser littéralement. On avait une finale où les 3 premiers matchs, ça se fait exploser aussi, au final, ça gagne. Donc, Mais oui, non, je sais pas, il y a un truc peut-être mental avec cette équipe, ou peut-être du coaching, hein, parce que mine de rien, Cazé, moi, je veux bien, mais j'ai pas non plus l'impression que ce soit un coach qu'adore. Hein, et quand on voit que dans ce sport, bon, après, en ce moment, on est plus rivé foot américain, mais quand tu vois que certains coachs, ce qu'ils arrivent à tirer de leur équipe et d'autres, ce qu'ils font avec du matériel, je te dis, c'est vrai que le coaching est quand même super important dans le sport de haut niveau. Et Cazé, moi, va jamais non plus montrer qu'il pouvait renverser une série à lui tout seul. Hein. Ah, je suis sceptique, moi aussi, sur Cazé. Enfin, c'est pas un super coach pour cette équipe, quoi. Je suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Est-ce qu'il est pas attiré le maximum de l'effectif qu'il a aussi Ouais, aussi, peut-être aussi. Peut-être aussi. Après, en parlant de bon coach, allons sur mes chouchous. Les Celtics, monsieur. Grosse inconnue à leur forte pour moi. Parce qu'il va s'intégrer au système avec Brad Stevens, qui est un excellent coach quand même. Faut le dire, mais à Boston, on dit toujours, on disait oui, il manquait une star récemment. Le problème, c'est que alors Ford, même si c'est un très bon joueur, ça va pas être la star de l'équipe en fait. Et donc tu te demandes, mais qui dans un match serré, qui sera ton franchise player, ton gars sûr pour la fin du match quoi. Isaiah Thomas. Voilà, exactement. Ah ouais, j'allais dire ça aussi. Ah, Thomas, moi je. Un meneur d'1m70, désolé, mais j'y crois pas. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout ce qu'il a pu montrer, je en fin de match, avec une pression énorme de la défense adverse, pour moi il passe pas. Hein. Moi je pense que, un match serré, le gars sûr qui te fait gagner, ça doit être Brad Stevens. Parce qu'on a vu sur le match de playoff, après ils se font sortir par Atlanta, bon il y a quelques coups du sort avec les blessures, mais il arrive à créer des matchs quand même au niveau défensif, qui fait qu'il a verrouillé Atlanta pendant deux matchs. Ce mec là, je pense que c'est, on parlait de bon coach, et je pense c'est la crème. Ouais, voilà, c'est un super coach, hein. Je pense que tu peux difficilement faire mieux, et un de gros regrets, moi, c'est que cette petite biatch de KD soit jamais venue là, parce que je pense qu'il aurait fait des merveilles avec cette star là au milieu. Ah, mais c'est clair. Mais après, je peux comprendre ce que tu dis sur Holford, et d'ailleurs je le comprends tout à fait, mais je pense que justement la plus grosse force de Boston, c'est qu'ils n'ont pas la star sur laquelle tu dois les défendre, et que le danger il vient de partout, quoi. Ils ont un collectif énorme, quoi. C'est quand même Est-ce que la raquette pose pas toujours problème, parce que Boston c'est un problème de raquette, et alors Ford c'est pas le bouffeur de rebond, l'aspireur de ballon qu'ils auront besoin aussi. C'est vrai que quand tu pars en pivot avec Tyler Zeller, Amir Johnson ou juste Horford, ça peut faire peur un peu. Mais ils sont partis pour jouer avec Johnson, Horford, je crois, en plus. Hein. Je trouve ça très, très, très compliqué. Hein. Ah, je pense quand même ils iront avec Olynyk aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait Valanciunas, mais sous côté, je pense qu'Olynyk aussi, c'est un beau mec bien sous côté. On garde son action sur le coup de Kevin Love, mais le mec, quand il veut... Il fait vraiment du bien, mais vraiment, moi j'aime bien cette équipe, et une petite pièce pour la saison. D'ailleurs, il y a Bouzeléo qui a été drafté, aurait bien mérité sa place plutôt que de se barrer en Chine. Là. Enfin, il n'y a pas eu le choix, mais franchement, un poste de 4 et avec du muscle. Hein. Ouais. C'est un sacré rock, hein, le mec. Physiquement, il était prêt. Hein. Après, je pense que les gens l'année prochaine, et voilà. Mais... Ouais, là, il fait une saison pour tout péter en Chine, et il va revenir, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Je l'ai suivi un peu de loin, il pose des fins 10 à tous les matchs, quoi. Je pense que les Celtics, de toute façon, c'est le travail de longue haleine depuis des années, sont en train de se rebâtir. Ils sont vraiment dans la bonne lignée depuis des années. Ils vont encore se gaver d'un top pick, potentiellement le first pick l'année prochaine. Et si j'ai qu'un seul truc à souhaiter, franchement, c'est qu'il récupère Boogie à la fin de la saison. Quoi. Vraiment, j'adorerais voir des Marcus Cousins en vert et un peu tenu par le front office de cette. Je préférerais en purple et gold. On va pas être copains, toi et moi, mais bon. Ouais. Et donc, pour finir sur cette conférence, quand même, on a listé de belles équipes de tocards, mais de belles promesses aussi. Mon petit Sativa, qu'est-ce qui se passe à Cleveland? Bah rien, pourquoi? Tu sens pas la saison du le retour du boulet? Non, rien du tout. Le retour du boulet, je vois pas ce que tu parles. Franchement, moi j'ai des gros doutes, Je pense que ça va finir top 2 facile. Mais je sais pas, par rapport à l'année dernière où c'était vraiment, tu sentais la mission pour LeBron en finale et tout. Déjà, le bot coach, je sais pas, je trouve que c'est un des plus gros imposteurs de l'histoire. Alors là, pas de copain. Parce que si ils reviennent à 3-1, de 3-1 à 3-4, je te garantis que c'est grâce au coach. Et je te garantis que si c'était David Blatt, ils se font péter, ils se font plier 4-1 ou 4-2. Parce que c'est pas le meilleur coach d'un point de vue tactique. On sera tous d'accord là-dessus. Ça, tactiquement, c'est un choix entre moyen et bon, quoi. C'est un bon coach, on va dire. Mais mentalement, psychologiquement, c'est un des meilleurs. Il sait motiver son équipe et il a fait des ajustements. Parce qu'on va pas parler des finals, on va pas trop parler des finals. Midori, il a fait quelques petits ajustements au niveau de la composition des match-ups qui ont aidé les Cavaliers à la fin. Donc, dire que c'est l'imposteur, je trouve ça un peu fort. Ah, je te dis pourquoi, hein, parce que moi, je pense que c'est une serpillière, quoi. Je pense qu'il est là, pour essuyer et c'est LeBron qui gueule. Je pense que le motivateur de cette équipe, c'est LeBron. Je pense que moi, j'ai envie de te dire, je pense que le vrai coach, c'est LeBron. Le vrai coach, peut-être pas, mais disons que de tout ce qui se dit, c'est vrai que LeBron a une importance, mais apparemment, c'est quand même Lou qui commande. Hein. De tout ce que les joueurs disent, c'est Lou qui commande, même si LeBron, bon, il fait le coach assistant, hein, on n'est pas con. Mais si Lou il doit gueuler sur LeBron, il le fait. Hein. Après. Moi j'ai un doute, c'est est-ce que Irving acceptera de toujours rester dans le monde de LeBron, c'est ça en fait. Parce que si tu veux la star c'est quand même LeBron, voilà, c'est on peut pas dire le contraire, et je sais pas si Irving va accepter de toujours rester dans de LeBron. Et je crois qu'en plus les relations entre les deux n'ont pas été bonnes à un moment de cette saison et j'ai peur que cette saison ça soit la même. Ah, plus que pour Irving, c'est plutôt la relation qu'il y a entre LeBron et Love et j'ai plus peur pour Love. Parce que Irving, bon, même s'il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes partout, hein. Le Big Three des Celtics, c'était Ray Allen, c'était un connard apparemment, ça les a pas empêchés de tout péter. Hein. Oui, après, c'est pas. Enfin, je veux dire, on n'a jamais dit qu'il fallait que les mecs soient tous potes pour gagner des matchs. Hein, tu peux dire, hein, mais après, Irving, pour le moment, il est sur un nuage, il a tout gagné concrètement. Le mec a tout gagné, quoi. En revenant de blessure en plus, blessure qui est quand même supposée être grave, quoi. Je pense que cette saison, il va pas. Il s'en fout. Dans 2-3 saisons, ça dépend de ce que va faire LeBron, ça dépend s'il va dire je te passe le leadership, je te passe tout doucement le leadership, ou alors si dans 3 ans c'est encore moi le patron sur le terrain. Non, en tout cas dans les ballons qui remontent la balle qui fait tout. Si c'est encore lui qui fait tout dans 3 ans, ouais, Irving ça va lui casser les couilles, c'est sûr et certain. Pour cette saison, moi ce qui me fait juste flipper, c'est est-ce que le sans t-shirt là il revient ou pas, Gérard Smith. Gérard. C'est vrai qu'il a toujours pas signé, re-signé Gérard. Ah non, ils arrivent pas à trouver un accord. Le bois est pas mal, mais clairement faire signer Gérard. Il est archi faible. Ça amène Gérard Smith, ça amène. Enfin voilà quoi. Et pourtant j'avais des doutes, j'ai arrivé. Quand on sait comment il était à New York, je dis fais la même à Cleveland, c'est un bordel. En fait, ça a pas dû être ça, ça franchement. LeBron il a fermé. Il c'est lui qui l'a calmé, hein. C'est lui qui l'a contrôlé. Après, moi plus que le banc, ce que tu disais, c'est le poste 5 quoi. Vous allez aligner toute la saison avec Chris Anderson? Non, Tristan Thompson. Ah, je trouve que ça fait franchement l'edge moi. Enfin, certes, il est très bon, mais je pense que c'est plus un 4 qu'un 5 quand même, Thompson. Là, en théorie, c'est un 4. Mais avec Kevin Love au poste 4, pas forcément autrement. Je sais pas si moi c'est cette situation là. Enfin, l'autre, je crois qu'il a déjà commencé à dire qu'il voulait s'écarter un peu plus. Ouais, mais il a. Enfin, en fait, de base, par rapport à... Il est considéré comme un 4, surtout parce qu'il fait que 2m6, en fait. Ça, c'est pas un très très grand joueur, Trent Thompson, mais il a quand même le jeu d'un pivot au final. C'est un mec qui joue près du cercle. Il a pas de shoot. Il essaie de. Il fait quelques shoots maintenant. C'est ce qu'ils ont travaillé tout l'été, apparemment. Mais bon, ça reste un mec qui joue près du cercle. Et au niveau des rebonds offensifs, c'est genre un des meilleurs de la ligue, par exemple. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner en fait Thompson Love avec une équipe avec des mecs qui ont vraiment des gros gros intérieurs quoi. Quand tu vas te taper Détroit, les Pacers, Atlanta, ça va être. Mais le truc c'est ces équipes-là en théorie, Cleveland va les passer même avec une raquette qui peut se faire bouffer. Ah non, mais attends, je te dis pas que Cleveland n'ira pas en finale. Hein. Enfin, pour moi, c'est quasiment joué. Je pense qu'ils iront au moins en finale à l'Est. Ça, c'est plus sur le bilan de la saison. Je pense qu'ils peuvent lâcher des matchs sur le fait qu'ils sont plus fragiles à l'intérieur. Ils vont en lâcher pas mal, je pense. Après, je pense que maintenant, ils vont s'économiser toute la saison. Il y a des mecs qui vont sur le banc de temps en temps. Et c'est parce que après aussi, Thompson, il est parfait pour jouer contre le Golden State en finale si c'est Golden State. Parce que Golden State, ils vont jouer avec Draymond Green quasiment pivot. Thompson, c'est l'adversaire idéal. Je suis d'accord. Bon, après, sans être alarmiste, hein, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué sur la durée. Enfin, remarque, la saison régulière l'année dernière n'était pas non plus flamboyante. Chris Anderson en backup, c'est un sacré energizer, c'est pas mal quand même. Moi, un que j'aime bien aussi sur le banc, c'est Don Levy. C'est un bon joueur et qui fait le taf. Je pense que sur le sorti de banc, il peut être pas mal. En fait, le banc, il est très limité, mais il y a Channing Frye, c'est quand même un mec intéressant. Richard Jefferson a l'expérience, mais surtout Kay Felder, là, la recrue quasiment dans les derniers picks de la draft là. Et ben, c'est un excellent meneur. Et il sera peut-être un peu short cette saison au niveau expérience, mais niveau backup wing, je pense pas perdre au change par rapport à Delavedova en fait. J'ai besoin d'un bulldog qui va aller mordre au couille de l'adversaire. Un mec qui va y aller avec le cœur, oui, c'est sûr que là il va y aller, je pense. On a fait le tour pour l'Est ? Petit classement ou pas ? Allez, on garde ça pour la fin. Ouais. Suspense. Comme ça laisse à ceux qui n'ont pas travaillé le temps de le faire. Passons à l'Ouest, donc, en commençant par l'équipe de déchets par excellence. Max ? Lakers. Déchets, je sais pas. Après, il y a ses porteurs des Lakers qui commencent à s'enflammer un peu droite à gauche. On va y aller doucement, quoi. C'est une équipe qui est en reconstruction. Voilà. Je pense que cette année, ça va être l'année d'explosion de Russell. Même si on très bien qu'il s'est totalement taré. Mais au niveau basket, hallucinant ce mec-là. Il est impressionnant. Après, c'est une équipe assez jeune. C'est un coach, on peut dire presque un nouveau coach. Parce que on dit oui, Walton a coaché Curry, tout ça. Mais coaché Curry, Thompson, Green et coaché Russell, Randle et compagnie, c'est pas la même chose. Et ça va être différent, oui, c'est sûr. C'est pas tout à fait le même. Pour l'instant, c'est tout à fait le même niveau. On sait pas ce que ça peut donner parce que c'est des jeunes. Mais après, moi, j'aime bien la façon dont l'équipe est construite. C'est une équipe construite sur les jeunes, vraiment. On parle sur l'avenir. Les Russell, Randle, Ingram qui ont été sur bon. Mozgov aussi. Ouais, Mozgov, ouais. Bon, après, Mozgov, c'est pas le joueur le plus flashy, mais je pense qu'il va faire le boulot quand même à l'intérieur. Mozgov, je trouve ça très. Je trouvais que c'était un recrutement débile, hein, Mozgov. Parce que. On reste un peu sur ses prestations d'il y a 2 ans, mais l'année dernière, c'est une chure de A à Z à Mozgov. Hein. Je trouve que ce prix-là, tu pouvais vraiment t'aligner sur quelqu'un d'autre. Ouais, ils ont essayé dès le début aussi. Après le problème, c'est que ouais, tu es quelqu'un d'autre, mais faut rappeler que les Lakers sont quand même bien dégueulasses. Cette année, on sait que c'est aussi une saison qui est. C'est difficile de signer un bon joueur, même si tu t'appelles les Lakers, c'est ça le problème. Quoi. Ouais, après, ils ont fait. Moi, j'aime bien le Walden comme ça pour. Poste 3 solide devant Ingram, je trouve que c'est une très très bonne idée. Pour moi, c'est vraiment le joueur idéal, justement, laisser à Ingram le temps de prendre un peu de poids et de pouvoir progresser. Clairement, voilà. Certains disent oui, il aurait fait Ingram directement dans le bain, mais enfin, c'est quand même le poste où les mecs jouent physiquement et de toute façon, physiquement, c'est une brindille, il va se bouffer. Peu importe comment en face, il va se faire bouffer. Donc, autant lui laisser le temps de progresser, de prendre un peu de muscle. Et surtout, quand t'as un mec comme Deng, c'est pas mal, quoi. Il y a pire. Après, il y a un joueur que j'ai envie de voir jouer, c'est Zubac, qui a pas été mauvais en pré-saison et en backup de Mozgov, ça peut être pas mal. Franchement, choisi au prix au deuxième tour et tout. Pas mal, je pense aussi. Après, bon, je pense que les Lakers, on les attend encore en fin de vision, en compagnie des Nuggets et des Suns. Après, je pense que ça sera mieux que la saison dernière. On va dire ça peut pas être pire. Ça peut difficilement moins pire. Déjà, il y a la page Kobe qui est tournée. Déjà, tu seras pas en jubilé toute l'année, oui, c'est sûr. C'est bon, tu seras pas sur Kobe, machin. C'est bon, Kobe, là, il est parti, terminé. Donc, là, ça va être. Là, les jeunes qui se plaignaient de pas avoir assez de responsabilités, que ce soit toujours Kobe, qu'enfin match, ce soit toujours Kobe qui les ballons, alors que franchement, il avait des pourcentages, c'est les pires de sa carrière. Ouais. Là, c'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités, de montrer ce qu'ils valent. Notamment, Russell va avoir un rôle important et il s'est un peu planté toute la saison dernière. T'as pas intérêt à te planter cette saison, mon gars, parce que sinon, tu risques de prendre très cher. Ça, c'est clair. Mais voilà, moi, je pense que sur l'avenir, ça peut être une bonne équipe. Voilà, va leur laisser du temps. On a appris suffisamment pour une équipe qui sera en tête de loterie. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, les Suns et les Nuggets, même combat. Ouais, les Suns à l'Est ce serait bien, mais à l'Ouest ça passe pas. Je pense que n'importe quelle équipe de l'Ouest, tu la cales non. À l'Est, ils ont moins. Pas les Lakers. Pas les Lakers. Allez, les Suns, les Nuggets, Pelicans, Kings, t'as moyen d'accrocher les playoffs. Les Suns, en fait, il y a deux points principaux où il faut voir comment ils vont développer leurs joueurs. C'est derrière comment ils vont gérer Bledsoe, Knight, Booker, et dans la raquette, comment ils vont gérer Marquise Chris, Chandler, Dragan Bender et Alex Len. C'est tout. Après, moi, les Suns, ce que j'ai pas compris, c'est deux choix dans le top 10, deux côté 4. Enfin, j'ai pas parce trop compris leur truc. Ouais, mais c'est parce que c'est ce qui leur manquait. Et en fait, il n'y a pas vraiment de certitude sur aucun des deux. Je pense qu'ils se sont dit, on n'a rien besoin d'autre. De toute façon, il n'y a pas de poste 3 intéressant qui reste. Les postes 3 sont partis. Et bah, on chope deux ailiers forts et on verra celui qui est le meilleur. Ils sont partis comme ça. Ouais, je pense que de toute façon, tu as la possibilité de prendre deux mecs sur lesquels tu as des doutes, mais potentiellement, ça peut devenir des franchise players. Tu le tentes, quoi. Enfin, au pire, si les deux se développent bien, tu arriveras toujours à récupérer quelque chose en le tradant, quelque chose comme ça. C'est Dragan Bender, c'est quand même un mec qui sort de 3 points de rebond et une passe en Israël. Bon, pour le coup, lui, c'est une putain d'énigme quand même. C'est clair. Ah ouais. C'est vraiment une énigme à tous les étages, Bender. Et puis en poste 4, je crois d'ailleurs. Enfin, en poste 4, en numéro 4, je crois, quand même. Ouais, c'est ça. C'est un gros risque, quoi. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, son risque. Après, moi, il y a un joueur que j'ai aimé la semaine dernière, que j'ai envie de voir cette année, voir s'il peut vraiment progresser et se développer. Ouais. Donc là, j'ai vraiment envie de voir s'il peut vraiment progresser, se développer, devenir un très bon joueur, parce que ça, la saison dernière, il a une belle prestation. Il a super mal joué, mais je resterai toujours sceptique par rapport au fait qu'il a super mal joué dans un putain de désert où il y avait vraiment personne. Regardez tout seul, c'est sûr d'avoir tous les ballons pour toi. Oui. C'est ouais. Facile, et il a tourné. Bon, faut pas oublier que c'était le plus jeune joueur de la draft, super jeune joueur. Bon, il a quand même tourné à des pourcentages un peu douteux au shoot. Hein. Il avait tous les ballons, il a arrosé de partout. Il a fait des super matchs comme des moins bons. Le problème, c'est comment ils vont gérer avec la paire de petits gars de devant. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je pense que Booker, il a pesé. Hein. Et je crois qu'il parle de faire jouer Bledsoe, Booker et Knight en sortie de banc. Bah, c'est, ouais, c'est pas mal hein. Quand t'as Brandon Knight, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais enfin, je veux dire, faut pas. Parce que je sais qu'il est très hypé, Booker, quand même, depuis quelques temps. Faudra pas trop attendre de lui cette saison si tout le monde est en bonne santé. Je me passerai de donner des conseils techniques quand on voit mes résultats NBA 2K. C'est pas la peine. Denver, les mecs. Parce que c'est pas l'effectif par excellence où il y a un peu trop de mecs, un peu trop moyens, on sait pas lequel va surnager et forcément s'intégrer dans le staff. Ouais, c'est trop jeune. C'est moyen, c'est jeune. Mais franchement, à l'intérieur, Farid, faut le lourder. Chandler, faut le lourder aussi. Je pense que Denver, ils doivent lourder quasiment tout ce qui sert à rien. Tout ce qui est pas jeune qui sert à rien. Tu feras pas office de mentor qui va bouffer 10 minutes aux jeunes pour rien et tout recommencer à zéro avec ce qu'ils ont là. Moody, Murray, Harris Barton, Jokic, Nurkic. Des bons jeunes joueurs. Parce que surtout Farid, en fait. Farid, ça me dérange. C'est un mec qui s'amène à rien, en fait. Et là, il y a trop de monde à l'intérieur. Et Denver, bah, ça va. Ils feront pas une super saison, quoi. En fait, ils ont beaucoup d'assets, mais ils les gardent. Avec le cannabis légalisé dans le Colorado, ça vaut pas le coup d'essayer d'aller chercher J.R. Smith maintenant? Ah, s'ils ont envie, ouais, mais c'est Harris, il y a beaucoup de choses. C'est pareil, poste 2, c'est Jamal Murray peut jouer meneur, mais Jamal Murray, Gary Harris et Barton. Donc, en théorie, c'est blindé aussi. Hein. En fait, ils sont blindés partout, mais ils sont blindés des trucs moyens. Ce que t'as dit. C'est content. Ah ouais, non. Une équipe où c'est le cirque permanent, mais où il y a quand même un putain de joueur qui, j'espère, va vite sortir de ce merdier. Les Kings, toujours la même galère. Ouais, ça va pas changer. Toujours. Hein. Avec Collison, là, qui a des problèmes, je crois, en plus. À partir du moment où t'as pas de meneur maintenant dans la NBA, c'est pas. Ils feront pas ouais, non, mais là, ils feront rien du tout, ils vont s'en tuer. McLemore, j'espère juste que McLemore va exploser un petit peu. Je trouve ça un bon joueur, quand même, un bon poste 2, qui se fait brider parce qu'il y a des tocards dans le fils qui font n'importe quoi. Coucou de la Daily Match. Avec lui, franchement, ils font n'importe quoi. Et je trouve que c'est un bon joueur, un bon poste 2. Ce serait mal utilisé un peu plus cette saison, mais ouais, l'équipe rebelote quoi. À 30-52 des familles, et voilà quoi. Mais c'est vrai que niveau meneur, tu vois ce qu'ils ont, c'est dit qu'avec ça, ils peuvent rien faire quoi, aussi. Ah, ils font rien. Parce que déjà, enfin, Pharma, voilà, il y a 40 ans maintenant. Taylorson, écoute Taylorson, connerie, ce mec-là, c'est pas ce qu'il peut faire. Taylorson, il est au PSR, hein. Je crois, non? Non. Il part de Sacto maintenant. Et là, il est au Kings. Oh là là, je suis pas. Ah ouais, il est pas resté à Indiana. Alors le mec qui a sa cote, elle a diminué en une année, lui. C'est tombé, mais... Ah ouais, Alice, c'est bien, bah. Voilà, Cousine, je pense qu'il doit attendre juste la fin de la saison pour se barrer. Je pense qu'il va se barrer. C'est pas possible de rester dans J'ai fait un truc à voir. J'aimerais bien voir ce qu'il va donner en association avec Olestein, s'ils le font vraiment. Mais sinon, oui, des Marcus, barre-toi de là, quoi. Voilà. Trouve une vraie équipe, quoi. Enfin, il va rester en Californie, mais... Il y a Scal Labissière qui, je crois c'est, ils l'ont pris très loin. C'est un bon choix de draft pour une fois. Ils l'ont pris en fin de premier tour. C'est un pivot évidemment. Hein. On est à Sacramento, on prend des pivots. Mais c'est un joueur qui était numéro 1, numéro 2 à sortie de lycée. Qui a fait une saison NCAA pourrie. C'est pour ça qu'il est descendu très bas. Et c'est un pari intéressant pour les Kings à l'avenir. Et vu que Cousin va se barrer, je pense, c'est pas plus mal de le prendre. Après, il a pas un peu tendance à se blesser, lui. Il me semble qu'il avait un peu tendance à se blesser. Non, il a fait tous ses matchs en CES, juste qu'il était plus titulaire au bout d'un moment. Mais c'est vrai que quand tu vois l'effectif, ça fait franchement pas rêver. Ah non. Cousins en Californie l'année prochaine. Warriors, évidemment. Pour le minimum. Et équipe avec infirmerie très très complète aussi. Nos amis les Pélicans. Oh là là, bah alors là, les Pélicans. entre Jrue Holiday qui a des problèmes perso, je crois que lui il a vraiment des problèmes personnels, et Eric qui, Evans Eric Evans, Anthony Davis aussi qui passe sa vie à l'infirmerie, ouais c'est ça, hein, voilà. Il y a quoi, il y a rien, il y a le Stephenson qui va faire son petit show habituel, il y a Buddy qui va mettre des 3 points et c'est fini, et il y aura fin du spectacle, pareil 30-52, pas de playoff et au revoir, c'est ça, hein, ouais, pas, enfin, au moins Buddy, au moins Buddy c'est clair qu'il aura du temps juste année, quoi. Anthony Davis il me fait flipper quand même, moi, parce que franchement je commence à me dire qu'il ne percera jamais parce qu'il va toujours avoir une petite blessure à la con ici, une petite blessure à la con là, et il va toujours jouer que 60 matchs. Il me fait flipper, moi, Anthony Davis. Ouais, après, quand tu vois à l'intérieur, enfin, les mecs, Robert Sacré, c'est pas possible, quoi. Ah, mais c'est juste, ah bah, c'est pas un joueur de basket, ce mec-là, c'est... Ouais, je sais pas si on va faire jouer Aginsa maintenant, cette saison, si tu veux. Ouais, je crois. Achille, je crois, il est toujours là, peut-être Kendrick Perkins, si on joue. Ouais, c'est... Après, ils ont pris Lance Stevenson, mais on sait très bien qu'avec lui, ça peut être soit tout, soit rien. Ah ouais, et c'est souvent rien avec lui, malheureusement. Après, pour le prix qu'ils ont eu, c'est-à-dire rien du tout, c'est pas un choix dégueulasse. Oui, non, c'est sûr. La Stevenson, je l'ai vu très très longtemps sans effectif. Et pourtant, à Memphis, il a montré des choses intéressantes en fin de saison. Enfin, il a pas été dégueulasse, quoi. J'ai l'impression que c'est son comportement qui dérange peut-être les franchises coach. Bah, faut dire que justement, c'est pas un exemple, le gars, quoi. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est 5 franchises d'autocar maintenant écartées. Ah bah, c'est un peu mieux. Il y a quand même un paquet là de contenders pour les playoffs qui vont se retrouver dans un mouchoir de poche, je pense. Bon, il y a quelques intouchables devant. On abordera peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais genre le jazz à l'Est, ça va en playoff tous les jours. Ouais, Gordon Hayward qui s'est blessé récemment, ils vont peut-être faire un sale départ déjà. Gordon Hayward, tu le considères franchement comme le maillon essentiel du jazz là ? Ah bah oui. Ah, pour moi, Gordon Hayward, enfin, le maillon essentiel, je sais pas ce qu'on en parle là, mais Gordon Hayward, c'est censé être la grosse saison là où il va tout péter. Hein. Et, et je pense que dans l'esprit du jazz, c'est un peu le franchise player. Hein. Ouais, c'est pas... Moi, après, j'ai du mal à... Moi, le problème, c'est que si Utah le considère comme le franchise player, j'ai un peu peur qu'ils aillent pas loin, quoi. C'est un peu le problème. Parce que, ok, c'est un bon joueur, mais franchement, je le vois absolument pas comme franchise player. Je trouve ça un bon joueur, hein. Enfin, 20 points par match depuis 2 saisons, je trouve ça un gars solide. Enfin, je sais pas, je suis le seul qui a pensé ça, mais enfin, pour moi, ça, c'est quand même un sacré coup dur, sa blessure, là, pendant quelques temps. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas après, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Donc, déjà, ils se sont trouvés un meneur, c'est plus Raoul Neto, donc ça ira mieux. Même si moi j'attends de voir le retour de Dante Exum. Ouais, moi aussi, c'est vraiment j'attends. Je pense que le mec là peut vraiment bien revenir. Et puis de toute façon, le Jazz fera son éventuelle qualification en playoff sur sa défense. Ils ont fait des belles recrues aussi, le Jazz, très intelligent. Hein. Joe Johnson et Boris Diaw, par exemple, c'est très très intelligent ça. Ça mène pas mal d'expérience, quoi. Et toujours des bons joueurs. Joe Johnson, très bon joueur. Boris Diaw, très versatile, bon des deux côtés, créateur. Ah, franchement, c'est très bien joué de la part du Jazz, je trouve. Après, ouais, pour moi, la force du Jazz, c'est clairement leur raquette. Faut voir ce Gobert, faut y aller, quoi. Faut y voir s'il a intérêt à sortir une grosse saison, quoi. Parce que ça fait un moment qu'on l'attend un peu au tournant. Après, celui dont on attend un peu la confirmation, la saison dernière, il n'était pas trop attendu, c'est Rodney Hood. Cette année, justement, en plus, avec la blessure de Gordon Hayward, il va avoir un peu plus, il va avoir pas mal de ballons. Donc là, il va falloir qu'il. Là, c'est surtout qu'il y a Alec Burks qui revient. Et je pense que dans l'esprit du Jazz, il part arrière titulaire, Alec Burks. Et Rodney Hood qui est repassé derrière en. Sortant. Là, avec Hayward blessé, c'est possible qu'il fasse jouer Joe Johnson titulaire aussi. Hein. Et Rodney Hood pourrait quand même encore être sur le banc. Hein. Je sais pas comment ils vont jouer, mais c'est possible. Moi, le Jazz, c'est dans l'esprit, je trouve, c'est des Nuggets 2.0. Quoi. C'est le même problème, c'est des mecs un peu tous au même niveau. Enfin, il y a beaucoup de qualité, mais t'as pas vraiment de mecs qui se dégagent pour tirer l'équipe vers le haut. Ouais, mais Hayward, c'est quand même au-dessus des Nuggets. Favors, potentiellement. Gobert, c'est quand même un des meilleurs rim protecteurs que tu peux avoir dans la ligue. Maintenant, j'en attends plus de Gobert. Franchement. Ah bah je pense qu'il faut pas en attendre de trop, non. Ça reste un mec archi limité en attaque qui compte sur sa défense. Oui bah justement, je pense que maintenant c'est à lui de bosser pour s'améliorer en attaque et aller chercher les quelques points en plus qui feront que son équipe sera pas si dépendante de la défense que ça. Après il est encore jeune, hein. Rudy Gobert c'est pas un vieux, donc il est encore il a même pas 25 ans. Bon il va développer un petit jeu d'attaque je pense d'ici là. Hayward pour moi ça va faire mal quand même. Pour le début de saison ça va faire un peu mal. Peut-être partir avec un peu de retard. Donc est-ce que ça sera pas insuffisant pour les playoffs surtout qu'après il y a quand même des habitués et des franchises qui montent. Bah, dans les habitués qui sont toujours présents. Memphis, mine de rien. Bon, même si il y a des prolongations de contrat que j'ai pas trop compris, moi, surtout à ce prix-là, mais. Ah, pense que tu parles de Conley, je pense, notamment. Qui, oh, oui. Je viserais surtout Parsons, moi, quand même. Hein. Après, Conley, la prolongation, si tu veux, c'est pas. C'est moi, c'est, je pense qu'il fallait le garder, mais après, à ce prix-là. Ah, mais ils avaient pas le choix. Memphis, c'est un petit marché, ils ont pas le choix. Hein. S'ils laissent Mike Conley partir, ils se retrouvent avec Wade Baldwin 4 en meneur et un autre mec qu'ils auront chopé à la Free Agency, soit. Pas grand chose. Et surtout dans l'optique où Marc Gasol et Zach Randolph arrivent et Tony Allen arrivent quand même doucement sur leur fin de carrière. Parce que doucement, oui. Ouais, surtout Randolph, là, il commence vraiment à être vieux. Je pense que Mike Conley, c'était un impératif, à n'importe quel prix. Je pense que Randolph, ça va être compliqué pour lui cette saison. S'ils veulent le faire sortir du banc, ils ont un petit peu essayé l'année dernière. C'est pas un mec qui sort pour mettre de l'énergie en sortie de banc. Quoi. Après, oui, bah, après, potentiellement, il apporte un très bon scoring aussi. En sortie de banc, ça peut être beaucoup des points intéressants. Enfin, en attaque, c'est intéressant parce qu'il est un peu point mort en défense. Sortie de banc, c'est un peu logique, je pense. Moi, c'est Marc Gasol qui m'interroge aussi parce que la blessure qu'il a subie pour un pivot qui a 30 ans. Et puis Parsons au prix où le prix l'ont fait venir alors que le mec il a rien montré depuis Houston. Ouais, je demande à voir alors qu'il compte limiter, il a encore des minutes limitées apparemment. Après, c'est encore, enfin, en plus ils changent leur coach qu'ils a quand même porté pendant des années. Ouais, en plus Fizdel, peut-être qu'il va venir avec quelques ficelles, quoi, mais c'est pas trop. Moi, j'y crois pas trop, Ben Fizdel. Bah, moi non plus, ouais. Bah, surtout avec Fizdel, j'y crois pas trop. Je pense que ça va rester à la porte, hein, et ça restera peut-être à la porte, bah, parce que il y a aussi les Wolves qui, eux, montrent les dents, quoi, et pas qu'un peu. Ah, les Wolves. C'est une inconnue, mais ça risque d'envoyer, je pense. Top 3 coach de la ligue, déjà. Ouais. Pour moi. Enfin, bah, Thibodeau. Ah oui. Thibodeau, c'est leur meilleur recrue de l'été, déjà. Déjà, après, ils n'ont pas fait d'autres recrues, quasiment. Mais ça, le. Towns, Midland, Towns, Wiggins, Chris Dunn. Chris Dunn, c'est un mec que Thibodeau doit adorer. Parce qu'un Energizer avec une défense de taré comme Chris Dunn, à Thibodeau, il a dû tomber par terre. Je pense qu'il est bien content d'avoir pu le récupérer à cette position-là dans la draft. C'est ça, c'est clair. Et bon, allez, sans faire des comparaisons foireuses, de dire que voilà, ça sera son Derrick Rose de quand il était aux Bulls. Il a moyen de faire de belles choses avec cet effectif-là, parce que ne serait-ce que Towns, c'est peut-être le plus gros potentiel de la ligue à l'heure actuelle, enfin, de mon point de vue. Ah, mais Towns, là, clairement, il est dans les meilleurs pivots de la ligue. Ah oui, bah là. Il n'y a pas photo. Hein. C'est bizarre, je le ferais plus jouer 4 que ça. Bah, à la base, il joue un peu 4 en fait, mais je sais pas comment il coupe ça avec Dieng, mais apparemment ça fonctionne. Ouais, après les deux là, quand tu vois leur Dieng, en plus, c'est un bon soldat, Dieng, en plus aussi, c'est pareil. Hein. On parle, c'est des joueurs un peu soldats comme ça, c'est vraiment silencieux, mais très important. Ouais, en plus, hein, dans le tas, t'as aussi Bielicha là, qui est aussi un peu dans le profil soldat, qui peut être assez intéressant. Je pense que Thibodeau, mine de rien. Thibodeau, avec cette équipe là, il va s'amuser, quoi. C'est Zach Lavine, à mon avis, il va vraiment savoir l'exploiter comme il faut, parce que c'est ça, pour l'instant, hein. L'année dernière, quand il le faisait jouer meneur, c'était catastrophique. Ah non, mais faire jouer Lavine meneur, c'est totalement n'importe quoi. Pas la vaille. Il y a qu'un truc, c'est moi, dans cette équipe-là, il va falloir qu'ils se débarrassent de Pekovic s'ils veulent vraiment optimiser l'effectif pour les années à venir. Les Wolves, je pense que dans les années à venir, ça fait une grosse place forte de l'Ouest. Hein. Mais après, avec Pekovic, c'est que il sera de malade quand même. On sera quand même Pekovic. Et justement, ils voulaient trader Rubio aussi. Sauf que dans le lot, il fallait prendre Pekovic et tout le monde a refusé parce que Pekovic va pas. Ouais, maintenant, les contrats avec l'explosion de salaire cap. Oui, mais ça va. Si tu mets un sac Dunn, Lavigne, Wiggins, Towns et Dieng, t'es quand même bien là. Hein. Ouais, mais justement, maintenant, par rapport à ça, je trouve que mettre Chris Dunn titulaire, ce sera vraiment une connerie. Et qu'il faut laisser Rubio. Moi, je pense que ça va manquer un peu de 3 points. D'expérience. D'expérience aussi, surtout, t'as raison. Mais même, je vois pas quelqu'un dans cette équipe qui peut prendre du shoot et. Je sais pas, ou alors je me plante, mais j'ai du mal à voir dans cet effectif-là un mec qui peut prendre feu à 3 points sur un match, et vu que maintenant la Ligue se joue quand même beaucoup à ça... Bah, Lavine, concrètement, peut prendre feu à 3 points. Et... Ah, mais il a du déchet encore. Ouais, Wiggins, faut qu'il taffe son shoot aussi, c'est pareil, donc c'est Towns. Après, le problème avec Rubio, c'est que c'est Thibodeau, c'est un coach vachement. Je suis pas sûr que Rubio, dans ce domaine-là, soit le meilleur meneur. Et physiquement avec Thibodeau, ils vont en chier, Rubio. Ouais, c'est sûr, mais après, moi, c'est ce que j'avais déjà vu. Mais Rubio aussi, c'est un meilleur d'homme exceptionnel, un vrai général sur le terrain, un mec qui s'était drivé son équipe. Et dans l'optique d'aller faire les playoffs, moi, Christophe, je le fous six semaines toute la saison. Parce que ça a beau être un energizer, un super joueur, ça reste un joueur offensif aussi minable que Rubio pour le moment. Hein. Offensivement, Christophe, c'est quand même zéro aussi. Et surtout, donner les clés du camion à un rookie pour aller en playoff, faut vraiment que ce soit un phénomène quand même, le gars. Ah oui, c'est sûr. Après, bon, s'il a envie de mettre à place son jeu basé sur la défense, il privilégiera Donne. Mais je pense de toute façon, Thibodeau est assez intelligent pour savoir quel meneur il va choisir. Oui. C'est pas interdit qu'en cours d'année, tu te retrouves avec une hécatombe de pivots dans la ligue, ils arrivent à refourguer Pekovic quelque part, que les planètes sont un peu alignées, quoi. Mais c'est possible. Voilà. Non, petit, ouais, les Vols, petit coup de cœur en devenir, à mon avis. Ah, c'est surtout le truc, c'est super jeune, donc dans les années à venir, peut-être pas mal, quoi. Donc là, on va rentrer dans le top 7 de l'Ouest. Bon, on va se friter sur quelques équipes. On commence par les Blazers. Allons-y. Allez, je vous écoute. Bah, il faut que j'aille pisser. Allez-y, lâchez-vous. Steve Compora au montage. Ou pas. C'est notre intro, c'est bon. Mais après, moi, les Blazers, ouais, t'as Lillard, McCollum. Après, je suis pas fan du reste. Bah, le reste, c'est vraiment des soldats. C'est ce que je parle sous soldats, mais c'est vraiment des mecs de l'ombre qui vont faire le boulot. Je pense à Plumlee, à Minou. Enfin, c'est dans Starting Five, c'est deux mecs qui vont faire le taf discrètement, Ed Davis aussi. Mais je pense, bon, ils ont lâché beaucoup d'argent quand même pour tant là. Ils ont quand même sacrément pété la tirelire. Allen Crabbe, Maurice Harkless et Evan Turner. Alors Evan Turner, je sais pas comment ça va se goupiller parce que Evan Turner c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les mains. Et avec Lillard, McCollum, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, gros point d'interrogation sur Turner dans le cadre de McCollum Lillard. C'est ça, ouais, voilà. Après Krabi, j'aime bien, mais. Oh, c'est un. Bon, ils ont payé. Il est surpayé, hein. Avec l'explosion de salary cap, tu vas me dire. Bon, ouais, mais j'allais dire, même avec le salary cap, je le trouve. Il a 19 millions la saison. Bon, il s'est mis bien, quoi, Allen Crabbe. Ouais. Et Zeli, c'est un joueur, je pense qu'il a un peu trop. Il a joué sur la vague un peu Warriors, franchement. Ça allait bien dans une équipe comme les Warriors, on est bien que. Je pense que dans la rotation, il est plus loin parce que je pense que Myers Leonard est devant. Enfin, qu'il reste sur l'impression de ses dernières finales. Hein, parce que... Mais je pense qu'ils vont laisser Myers Leonard devant parce que c'est un jeune avec un shoot à 3 points très très intéressant. Ils vont essayer de continuer à le développer. Et Zeli, je crois qu'il va passer en numéro 3 derrière les pivots et il devrait pas beaucoup jouer. Pour un mec qui va pas jouer beaucoup, ils vont bien payer aussi. Quoi. C'est ça aussi, il semble. Oh, je suis pas sûr. De toute façon, maintenant on est dans une époque où. Le moindre joueur, c'est un NBA, va toucher des millions. Donc, ouais, ça, oui. C'est clair qu'il a touché beaucoup, c'est pas bien grave. Hein. Mais bon, après, le Blazers, faut pas s'oublier quand même l'année dernière, on les prédisait pour la loterie avec une saison dégueulasse. C'est quand même un miracle que cette année, on se dise, ouais, ils sont top 7 assurés, quoi. Après, ils ont un court de fou. Lillard, McCollum. Il va être entendu au tournoi aussi maintenant. Hein. Il n'y a plus de l'effet de surprise, bonjour, je suis McCollum, je vous planterai 25 points dans la gueule. Là, tout le monde est au courant que c'est un mec qui va planter des points, tout le monde va l'attendre, et surtout, il aura quand même une certaine pression de confirmer ça, son MIP de la saison dernière. Oui, ça c'est, voilà, là, c'est clair que là, Shabazz Napier, ça, croyez-vous en backup c'est 6 minutes, mais c'est basculer un match. Hein. C'est solide, mais les minutes elles seront de meneur comme ça, elles seront à Turner. Parce que Turner, McCollum et Lillard savent jouer tous les trois postes 1. Hein. Il va pas avoir grand chose d'impire. On va faire parler la foudre. Vas-y. Le Thunder. Russell Westbrook MVP, les gars, ou pas du tout? Pas du tout, aucune chance. Dis-moi tout. Aucune chance, et c'est statistique. Le dernier joueur à avoir remporté le MVP en étant en dehors du top 2 de sa conférence, c'était Michael Jordan en 88. Autant dire que depuis 88, tous les mecs qui ont gagné les MVP sont dans le top 2 de leur conférence. Déjà pour prouver quand même que les wins ça compte. Après il va s'éclater Westbrook, hein. Lui qui aime bien avoir après, un ballon, si, là, si il manque beaucoup du ballon. Après s'il poste un triple double sur toute la saison, je dis pas. Peut-être que sa position elle comptera pas tant que ça. Mais le Thunder, si je les vois pas, je les vois même pas top 5. Pas top 5, pas MVP pour moi. Hein. Bah après, moi le truc que j'ai enfin le truc avec les Thunder, c'est qui va shooter à 3 points. C'est sûr que là ça va être compliqué pour eux. Hein, parce que... Shoot à 3 points. Moreau. Ouais, bon, voilà quoi. Le starter le plus light de la ligue, oui. Ouais, c'est... Après, bon, déjà, c'est une équipe qui perd KD. Non, mais dans Thunder. Les circonstances que vous connaissez. Je veux bien qu'on ait Westbrook qui va être déchaîné, blablabla, mais ça va bider le Thunder, hein, les gars. Il n'y a rien, ça va bider, il n'y a rien. Moi, je les vois la lutte pour les playoffs, pas, enfin voilà quoi, c'est-à-dire 7-8, mais pas plus. Ah ouais, j'ai mal à les voir plus haut, en fait. Moi, tu sais, des fois, j'ai l'impression que cette saison, limite, ce sera plus serré à l'Est qu'à l'Ouest, hein, parfois. Le top 3 de l'Ouest sera... Ce sera serré à l'Est dans la médiocrité, mais après... J'ai peur pour les bilans de l'Ouest, hein, des fois. Ah non, moi, je pense que y aura plus de bilans négatifs en playoff à l'Est qu'à l'Ouest. Hein. Ah, on verra. Mais non, enfin, OKC, okay, si, trop light sur poste 2, poste 3, en fait. Pas la plus. KD compensait tout parce que c'était un MVP, mais maintenant qu'il est parti, moi, Oladipo, c'est pas un joueur d'exception non plus. Après, à l'intérieur, les Splash Brothers vont falloir aller mal quand même. Ouais, surtout qu'ils ont ajouté Sabonis, qui est un très très bon joueur, très très bon jeune, et Ilyasova, je crois, est arrivé, l'Auvergne aussi. Ouais. Bon, ils ont ajouté des joueurs intéressants, mais l'aile, c'est mort de chez mort. Personne au pro, c'est mort. Ils ont pas plus loin. Entrée Robertson. Ouais, génial, Robertson. Robertson, ça marchait parce qu'il y avait KD et durant KD et Westbrook, ils prenaient plein de shoots. Maintenant que KD est plus là, Westbrook, il va prendre 50 shoots. Il y a quand même d'autres mecs qui vont en prendre. Robertson, on sait tous que c'est un mec qui sait pas tirer. Il va y avoir un rééquilibrage à faire côté Thunder et après ouais. voir si Billy Donovan, vu la saison régulière qu'il a fait, sera capable de mener ça. Quoi. Enfin, bon, je reviens souvent au coach, mais c'est vrai qu'il a fait d'excellents playoffs, je trouve, mais après en saison régulière, c'était quand même difficile pour eux. Hein. J'espère que le playoff lui a foutu un déclic parce que, bon, Westbrook, des exemples de nombre de fois où il a les fils qui se touchent dès qu'on arrive de la fin du match. Tu sais, les fins de match où il fait 0 points, 0 sur 6 et 4 turnovers, il y en a quand même eu pas mal dans son histoire. Mais, ouais, mais le problème, c'est que, bah, fin de match, tu passes le ballon à part Westbrook. Bah là, dans cette équipe, t'as pas le choix. Hein. Ça va être lui, ça va pas le choix. Hein, donc, même il pourra continuer à buter, ça sera toujours le corps à ballon, hein, parce que ce sera le seul qui sera clutch en fin de match. Il peut être en fin de match. S'il continue sur sa lancée, sa très bonne série face aux Spurs. Peut-être que ça ira mieux, mais si on retrouve le Westbrook qui pète des câbles en fin de match, ils vont en perdre pas mal, je crois. Ouais, c'est... Moi, je suis sceptique sur le Thunder. On a beaucoup parlé du Westbrook MVP, mais qui va poster des stats de taré, mais j'ai des doutes. Hein. Moi, je pense qu'il fera toujours une ligne de stats colossale, oui, mais après, je pense que le reste ne suivra pas vraiment, parce que, bon, effectivement, il y a des équipes qui sont beaucoup mieux bâties autour. C'est ça, il est un peu seul, quoi. Certains, parce que c'est vrai qu'au début, quand il n'est pas seul, quand t'as Adams, Oladipo, oui. Bah, il est tout seul, mais à voir si ça match avec... Enfin, de toute façon, il va falloir qu'il se réinvente en termes de jeu, hein, parce que... Tu perds KD sans le remplacer du vraiment, tout, en fait. Ouais, mais c'est ça, ouais, tu le remplaces pas, quoi. Tu prends personne, hein, en fait, pour essayer de pallier un tout petit peu à son départ. Et je pense que c'est ça qui va être le plus dur pour eux. Hein, et d'autant qu'après, il y a des équipes qui m'apparaissent beaucoup plus fortes. Et je vais laisser Sativa choisir la prochaine, parce que je pense qu'on sera pas d'accord. On va parler des Mavs. Allez, vas-y, lâche-toi. Pas d'accord sur une équipe, on va parler des Mavs. Bon, t'es pas d'accord. Bon, les Mavs, pour moi, ça va bider comme jamais. Hein. Moi, ça fait top 3. Parce que, alors, franchement, je veux vraiment voir qu'ils m'expliquent en quoi ils vont faire top 3. Bon coach, déjà. Ouais. J'arrête pas d'en parler, mais pour moi, c'est super important. La légende, dire qu'il pense à toi, gros. Mais après, je sais pas, le recrutement intelligent, enfin, j'oublie toujours son nom. Mark Cuban, il a toujours oublié d'être con. Quand tu vois le bordel qui se passe. Warriors avec l'arrivée de KD, bah le mec se jette sur Bogut et Barnes. Bah ouais, certes, Barnes, il y a des doutes et tout, mais il est quand même capable de faire quelque chose, je pense, avec cette équipe-là. Il s'est jeté, Barnes, c'était le choix numéro 26, hein, quand même. Ah, mais peut-être, mais tu te récupères Bogut et Barnes quand même. Bogut Nowitzki, il va falloir y aller quand même. Barnes. c'est clair que l'intérieur c'est pas mal quoi. Après moi je pense clairement ils peuvent peut-être pas top 3 mais je pense que ça sera top 5. Je pense qu'ils peuvent être top 5. J'ai très gros doute parce que Nowitzki bon. Je te dis top 3, je suis en train de regarder mon classement, ils sont pas dans le top 3 mais. Non du coup non mais ouais top 4 quoi. Enfin moi je les vois accueillir en premier tour de playoff. Hein. Ah purée Nowitzki, moi je tout... pareil c'est un super joueur mais bon une année de plus. Il va faire une bonne saison, mais une année de plus. Bogut, c'est un joueur assez fragile quand même en général. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, mais c'est le pivot qu'ils attendaient depuis un moment, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est un bon joueur, mais... Dans la construction de Dallas qui s'étale quand même depuis un petit moment, quand ils ont voulu aller chercher des Jordan l'année dernière, bon, Jordan certes, mais je pense que Bogut, dans le système Dallas, il fera mieux que des Jordan et c'est bien en carton. Moi, j'ai vraiment peur pour eux parce que Deron Williams, il va commencer à régresser et Harrison Barnes, mais mon Dieu, mais pour moi, c'est une connerie monumentale. Moi j'y crois, je sais pas, c'est... Ouais, moi, je suis désolé, mais le mec avec des shoots ouverts à Golden State, il en met pas un. Ah mais c'est un contexte, enfin, très différent. Et après là, pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais en pré-saison, il en met toujours pas un. Après, moi j'y crois aussi, alors ça va, je pense que je les vois 4-5e, mais après, c'est vrai que moi, Bogut, enfin, Barnes et Bogut, je pense que c'est des très bons recrutements. En plus, derrière Bogut, t'as quand même Salah Mejri qui a fait une bonne saison dernière. Donc à l'intérieur, je pense qu'ils sont plutôt pas mal. Après, bah, D-Will, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai un peu, enfin, ouais, c'est la saison, j'ai un peu de mal, je sais pas. Et puis, même quand tu regardes le banc, mais il est vide, leur banc, sérieux. Oh non. Oh si, il est vide. Arrête, j'ai débarré à le casse-couille ultime. Qui c'est qui est titulaire poste 3 Harrison Barnes, c'est qui est derrière? Justin Anderson. Je sais pas, j'ai coupé la page Wikipédia. Justin Anderson, je crois qu'il y a. Non, franchement, ils vont pas bider comme jamais, ils vont pas faire hors playoff, mais je les vois plus entre 6 et 8 que 4 et 5. Hein. Ah. Après, on verra ça là, enfin, je trouve que je dis n'importe quoi, ils vont finir 4e. Mais Harrison Barnes, j'y crois pas du tout. Et Deron Williams, Nowitzki, je les vois bien régresser un peu. Bogut aussi. Moi j'ai peur pour les Mavs. Même si Rick Carlisle va faire sa magie habituelle. Plus pour ça que j'y crois que chose. Oui, en plus avec Rick Carlisle, c'est ouais, t'as quand même des bons joueurs et en plus avec un coach. Je pense que sur la saison régulière, ça va dérouler. Voilà, après bon, un playoff, certes, ça aura ses limites, et ça ira pas forcément très très loin. Hein. Je t'en parle pas comme d'une équipe qui sera candidate au titre, loin de là. En tout cas, les Mavs, on peut être vite fixé parce que le début de saison qu'ils ont, Pacers, deux fois Rockets, Jazz, Blazers, Bucks, Lakers, Warriors. Ah mais après c'est pas la NFL non plus quoi. T'as 82 matchs pour te rattraper. Ça, ouais. La saison est longue. Mais dès le début on va voir ce que ça vaut. Oui, après, la vérité du mois d'octobre, c'est loin d'être celle du printemps avec les playoffs. Hein, donc moi j'ai pas. Moi je reste. C'est le cas Harrison Barnes qui me fait penser que l'équipe va pas aller en fait. C'est vraiment pas Harrison Barnes. Surtout pour le prix auquel ils vont venir. Si je comprends bien, tu crois plus en les Clippers. Ah, largement plus. Et je te dirais même que les Clippers, c'est donc déjà pour ces top 3 assurés. Ah, on va pas se mentir. Et d'un point de vue équipe, et même ce qu'ils ont pu montrer la saison dernière, et ben pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de chances de tenir face aux Warriors. Et qui a le plus de chances de les battre. Parce que mine de rien, les Clippers, ils font 53-20 comme ça, avec Blake Griffin qui joue match à tout péter, Chris Paul qui a eu quelques problèmes. Ils ont fait le boulot, ils ont toujours leur vétéran, leur bon joueur, leur trio. Ils ont ajouté Spades qui est quand même un super joueur, Brandon Bass, ils ont pris Bryce Russell à la draft, Felton qui est toujours là. Belle équipe, moi je trouve, les Clippers, et c'est un peu l'année ou jamais avec Chris Paul et Griffin. S'ils partent pas en finale de conférence, ça va péter. Mais moi, alors les Clippers, je n'y crois pas du tout. Alors en saison régulière, oui, ils seront là, ils iront en playoff, c'est pas un problème. Mais franchement, cette équipe-là, pour moi, elle est... à chaque fois, tu dis, ouais, ça peut le faire, et après, chaque année, c'est assez habillé. Je crois pas pourquoi ça jouerait. Franchement, le duo Paul-Griffin, moi, je ne comprends pas du tout. D'ailleurs, on a bien vu que Chris Paul, quand Griffin était blessé, était meilleur qu'il était là. Ce qui prouve un peu que peut-être le duo n'était pas compatible. Meilleur, il a juste prouvé qu'il pouvait encore faire péter les stats s'il avait envie, je pense. Je pense pas qu'il était meilleur, il a juste montré que c'était encore un des meilleurs de la ligue et qu'il a aussi son niveau de jeu sans lui. Le truc, c'est que on a toujours, c'est vrai qu'on a reproché à Doc Rivers d'avoir trouvé toujours des excuses. Par exemple, l'année dernière, s'ils se font éliminer, c'est pas de leur faute, hein. Ils se sont tapés toutes les blessures du monde quand ils ont joué contre Portland. Les Griffins, ils l'envoient, hein. Ils commencent à revenir à un sacré niveau là. Et après, il y a aussi le cas de Jamal Crawford. Moi, je veux bien, ok, c'est un shooter à 3 points, mais je pense que c'est quand même le seul joueur au monde qui a réussi à faire un collectif, un sport individuel. C'est le mec, dès qu'il a le Il y ballon, il shoot, avait quoi. Kobe aussi. Mais Kobe mettait les paniers. Jamal Crawford, Ah ouais, il en met 1 sur 5 problème. Bon, Jamal Crawford, attention les gars, c'est une grosse chèvre. Mais... Ah, de toute façon, oui, c'est sûr. Hein. Ah Après, moi, les. par rapport aux Clippers, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de confiance en les Rockets. J'irai pas jusque-là quand même. Hein. Ouais, moi non plus, hein. Alors là. Parce que Parce... déjà, la saison dernière, ça défendait pas beaucoup, mais alors cette saison, Alors, le c'est. 5 de départ des Rockets niveau défense, on va rigoler hein, quand même. Bah, certes, ils vont prendre du ça va enquiller, je pense, mais D'Antoni qui arrive, je trouve que c'est. Enfin, j'ai l'impression, putain, je parle que par les coachs, mais par rapport à Rivers, qui pour moi est une grosse imposture, je pense que les Rockets, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Hein. Il y a Ah du ouais, mais d'Antoni, recrutement, du recrutement intelligent. c'est pas lui qui va aider la défense, hein, d'Antoni. Ah bah ça c'est sûr. Ah, d'Antoni. Ça c'est l'assistant de Memphis qui va aider la défense. Ah, mais quand tes mecs ils savent pas défendre, parce que c'est marrant, mais Harden, bon, il peut revenir à un niveau correct de défense qu'il avait au KC s'il est en Ah oui, vie. c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est que je pense qu'en fait, de mon point de vue, en fait, Harden, pendant un moment, on l'a laissé tout passer, et je pense qu'un coach avec un minimum de poigne et qui respecte un minimum arrivera à le tirer défensivement. Donc, pour ça, je pense qu'avec une légère amélioration défensive, ça ira mieux. Et puis, si ton leader se met un minimum défendre de façon assez correcte, forcément, les autres autour vont s'améliorer dans ce secteur-là. Peut-être qu'ils vont enquiller le plus de 3 points possible de la ligue, mais. Ah oh ouais, mais Gordon Anderson en France, mais oh, ça va être une catastrophe. Hein. Ah, c'est pas grave, ils gagneront un 140 à 130. Non, mais ouais, j'y crois. Je sais pas pourquoi. J'ai des doutes en plus sur Capella au poste de pivot titulaire. Parce que Capella, le mec qui shoot à 20% au lancer franc. Ça va, ils avaient Howard avant. Ah J'en ouais, parle mais pas Capella. beaucoup. Ouais, le problème c'est que Capella c'est pire que Howard. Ils ont l'exploit de trouver un mec qui était pire que Howard. Et qui est moins bon. Oh, mais je sais pas, moi je les vois bien. Ah mais je les vois faire 5 6e. Ouais. Okay. Quand on va échanger les classements, les gars, je pense qu'on va rigoler, quoi. Donc pour toi, les forces inamovibles, en fait, c'est les Spurs, si j'ai bien compris. Ouais, bah logique. Hein. Pareil, un coach. Hein. C'est ça, oui, c'est ça, ouais. C'est le coach, quoi. Spurs ont balayé en 3 secondes, là, Popovich, Leonard, LaMarcus Aldridge, coach, hop, c'est fini. Gasol, par contre, au recrutement. Là, par contre, moi, je comprends pas, en fait, ce Ouais, recrutement, parce que je moi me demande ce qu'il aussi. va apporter, en fait. Je pense que la seule chose dont ils avaient besoin, les Spurs, c'était d'un pivot athlétique. Et là. Tout l'inverse. Et là, Ouais, c'est ça. il y a un problème là, Après, les Spurs, ça sert à rien de commenter. Tous les ans, ils sont cramés. Au final, un coup de magie, une potion d'autre jouvence, et hop, c'est fini, ils sont On va plus plus pleurer un petit maintenant. peu en se disant qu'on verra plus de Simi, quoi, qui était quand même un joueur Ouais. délicieux. Ouais. Faut Je dire cherche plus que à commenter les Spurs. cette année, dans la ligue, quand tu perds Kobe et Timmy, ça fait un peu mal quand même. Super Garnett aussi, Et oui, et Garnett aussi, ouais. Paul Pierce du coup bientôt. Ah ça c'est L'année prochaine, ouais, Paul Pierce l'année prochaine. ah, c'est pas petite larmichette. Mais... Un petit Oui peu. non, sont les Spurs, je pense, c'est pas la peine Oui, de faire dans le détail. Ça va rouler. Ah, j'ai pas vu que tu avais pris David Lee aussi. Si si ouais, donc, apparemment fait des choses intéressantes là. Mais bon. Donc, on peut passer au dossier brûlant de ce podcast. Ah, la zone de Je laisse. confort? On parle de la zone de confort? Nous laissons la parole à Potaval et le dossier de l'été, Kevin Durant aux Warriors. Ouais, bah, je vais essayer de rester un minimum poli, mais c'est bon, je pars rapidement en sucette sur ce sujet-là. Du point de vue des Warriors, bon, clairement, c'est un super coup en termes de free agency, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire mieux. Je comprends le front office qui a envie de ils sont vexés, ils sont menés 3-1, ils vont chercher KD. Clairement, tu ne peux pas faire mieux, et bon, c'est sûr que là, ils sont destinés à rouler sur la ligue. Par contre, lui, je crois que lui, je l'excuserai jamais, quoi. Il pourrait faire qu'une saison et l'année prochaine aller chez les Nets à essayer de les redresser, que je lui chierais toujours dessus, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est la lâcheté incarnée. Tu fais pas ce qu'il a fait. Puis maintenant, ben, mine de rien, toutes les semaines, il a beau dire tout, n'importe quoi, tout est interprété. Là encore, cette semaine, quand il dit qu'il s'éclate plus qu'au Thunder, il est obligé de justifier tout ce qu'il dit et tout. Ah, très clairement, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils se viandent tous autant qu'ils sont. Parce que, moi, je suis pas pour vous, mais moi, la saison régulière, là, c'est une purge, hein. C'est une purge à suivre. Ah, on va se faire chier. Là, ouais, on va se faire chier. Et comme je te dis, si tu veux, moi enfin, côté Warriors, si tu veux, bah, je peux comprendre. T'as un des meilleurs joueurs de la ligue qui est frère de Jean Libre. Tu vas le chercher, c'est obligé. Encore que franchement, côté Warriors, c'est un peu, ah, on m'a tiré dessus au pistolet à eau, je vais tirer à la bombe atomique, quoi. Mais c'est de la vexation suprême, quoi. Ils sont fait torcher en finale, allons chercher KD, quoi. Puis après, t'as le bal des mecs qui viennent en contrat minimum. Ah ouais, pas de Julio et tout, tralala, David West. Déjà l'année dernière, aux Spurs, tu disais, ouais, gestion magistrale de. Comment il s'appelle, R.C. Buford, je crois. De le faire venir pour le minimum et tout. Mais en fait, l'autre, il veut juste sa vague, quoi. Ils vont tous éventuellement s'aligner là dans cette équipe pour gagner quelque chose. Ça va durer quoi? Ça va durer un an, deux ans? Après, on va refaire signer Curry et là, ce sera plus possible. Après, même pour la réputation, Kevin Durant, c'est quand même un mec, voilà, il a un MVP, c'est potentiellement un des meilleurs scoreurs de la ligue et tout ce que tu veux. Enfin, il va être marqué à jamais par cette décision-là. Non, mais Kevin Durant, sa bague, s'il la gagne, elle vaudra que dalle. Mais je suis totalement d'accord. Hein, mais, elle vaudra que dalle et franchement, ce qu'il a fait, c'est. Je dis, c'est pire, mais c'est mille fois pire que ce qu'a pu faire James. C'est même pas comparable, en fait. C'est même pas comparable. James, il a été au 8, alors c'est vrai qu'il a fait un peu ça comme à la con, oui, on va encore gagner 3 titres, 4, enfin voilà, bref. Mais tu veux, il allait avec deux joueurs, Wade et Bosch. Là, Durant, enfin, c'est limite, s'il disait, ouais, je me sens pas capable de gagner un titre franchise player, ça serait la même chose. Enfin, il va dans l'équipe qu'il a battue. L'équipe, les Warriors l'ont pété 4-3. Et il va rejoindre l'équipe par laquelle il s'est fait torcher. Il leur donne son cul. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre expression, quoi. Alors, ça va être trash, peut-être, tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est la cata ultime, quoi. C'est totalement. Même dans la ligue, il s'est fait traiter dans la ligue. Hein. Paul Pierce, il s'était bien lâché sur lui, si je me souviens bien. Et comme Potabat, je crois que Trem doit l'acheter, quoi. C'est vraiment le mec qui n'a pas de couilles, quoi. Et après, c'est. Enfin, que le mec, au pire, ait eu le courage de l'assumer en disant, bah ouais, voilà, j'ai envie de gagner quelque chose, j'ai envie de jouer avec ces mecs-là, c'est mes potes, machin et tout. Bon, ça serait peut-être un peu plus passé, mais c'est plus ses excuses. Enfin, il essaie d'avancer ses excuses, ouais, voilà, sortir de ma zone de confort, espèce de lâche, bah, espèce de troufion. Là, quand cette semaine, il te dit, ah, je regardais le game 7, j'étais super contente qu'il perde, ah, oui, comme ça. J'étais sûr qu'ils allaient m'appeler pour venir, mais t'es quoi? T'as quoi dans le cibar, mon gars? C'est pas possible. Le mec, ce jour-là, quoi, il a perdu ses couilles, elles ont roulé sur le parking, quoi. Enfin, je sais pas, c'est infâme, c'est la lâcheté incarnée. Il vaut que dalle. Enfin, pour moi, humainement, c'est un déchet, là, sur le coup. Enfin, il a aucune fierté, aucun honneur, rien du tout. Il y a eu des réactions dans le vestiaire des Warriors qui sont super violentes. Quand Bogut, il a vu arriver ça, quand il tweet, c'est bien, moi, je vais faire aucun effort pour cette équipe-là, vu qu'ils vont me dégager comme une merde. Parce qu'en gros, il a su, dès que l'autre avait signé, qu'ils allaient le dégager comme une merde. C'était sûr et certain. Mais ce mec-là, pour moi, maintenant, il est marqué à vie lâche, quoi. Mais lâche pour être poli, quoi. Et ouais, c'est pire que James. Parce que même James, finalement, on a un peu oublié son départ au Heat et tout, machin. Il est revenu, il a gagné avec les Cavs. Mais là, lui, c'est... Enfin, je sais pas, mais il était considéré comme, je sais pas, comme un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et là, c'est... Ouais, c'est... Non, mais c'est surtout, par exemple, James, à la limite, il quittait une équipe de merde. Tu rentres, il quitte une équipe qui était à 3-1 dans la conférence. Qui a choqué. Il a quitté une équipe qui a choqué au taquet. Hein. Et c'est surtout lui qui a choqué, d'ailleurs. En plus, oui, voilà, s'il était irréprochable dans la défaite encore, pourquoi pas, mais il a quand même une part de responsabilité qui est assez grande. Après, ce qui m'emmerde le plus là-dedans, c'est que je pense qu'il va se fondre à la perfection dans ce jeu-là. Et que du coup, ça va marcher. Mais j'attends qu'une chose, c'est qu'il se viande. Hein. Enfin, j'attendrai qu'une chose, c'est qu'il se viande. Mais on attend tous qu'il se viande. Il va tellement être bien dans le jeu des Warriors, mais d'une. Oh là là. Ah, mais son shoot, oh là là. Pour eux, c'est un super coup. Et il y a peut-être qu'un truc qui, pour moi, peut les handicaper, c'est le fait que leur coach, mine de rien, est en délicatesse avec sa santé. On sait pas trop ce qu'il a. Il a encore ces trucs-là. Potentiellement, il va louper des matchs. Et mine de rien, je pense que tu ne peux pas gérer, même avec tout le talent qu'ils ont sur le terrain, tu ne peux pas gérer une saison complète sans un coach, parce que forcément, tu vas tomber sur des mecs qui arriveront à s'ajuster en face à un moment. Et ça leur jouera peut-être des tours. Et il y a des équipes qui ont déjà réussi à les faire jouer. Je pense aux Celtics l'année dernière qui, quand même, à chaque fois qu'ils se sont opposés à eux, ils les ont fait vraiment déjouer. Mais quelle valeur aura cette saison finalement des Warriors si jamais ils font le record de victoire absolue? Moi j'y crois pas et j'espère pas. Mais quelle valeur ça aura? Tu te diras, ouais, mais c'est bien, ils ont rassemblé quoi? Ils ont rassemblé 4 All-Stars dans un 5? C'est ça. 2 MVP. Deux des 3 meilleurs de la ligue quasiment. Voilà, ils ont quoi? Ils ont 2 des 3 des top 5 à 3 points l'année dernière limite. Maintenant, ça va artiller comme des cochons. Tu pouvais un minimum penser que du coup, en alignant autant de thunes sur ces 4 postes-là, bah, t'allais te retrouver en délicatesse au poste de 5 et t'avais peut-être des équipes qui allaient pouvoir exploiter ça. Bam, t'as les autres qui arrivent, là, aussi les couilles molles, parce que là, il n'y a pas d'autres mots. Les mecs qui veulent la bague. Ben voilà, c'est ça, les mecs sont en fin de carrière qui veulent leur bague, qui viennent pour eux, pour le coup, je peux comprendre. Ouais, ce que j'allais dire, je peux comprendre aussi. Mais après, à un moment, t'as le coup de la bague à tout prix, je sais pas, quelle image tu laisses, parce que Durant. La valeur de la bague. Durant, on est tous d'accord pour dire qu'il fera quoi? Il va faire 2 saisons à Golden State maximum. Ah, il va prendre du bague, il va se barrer. Il ira où après? Non, mais au Thunder, sans interdit, jamais ils retournent au Thunder. Le Thunder, jamais ils voudront, mais toutes les équipes de la ligue, ils pourraient leur chier dessus en phase 2. Durant, ouais, ça reste Durant, il accueille les bras ouverts. Mais d'accord, ça ok. Mais déjà, j'ai du mal avec le fait que LeBron, joueur aussi magnifique qu'il soit, top 5 de l'histoire, tout ce qu'on veut, il est porté 2 maillots différents. Et ça, c'est mon truc de la NBA. J'aime bien les mecs qui ont eu qu'un seul maillot. Donc, pour ça, quand même, je respecte un minimum Duncan, je respecte un minimum, je respecte beaucoup Duncan, je respecte un minimum Kobe, même s'il m'a beaucoup agacé. Mais, Duncan, c'est quoi en fin de carrière quand il sera dans le, top 5 scoreur, quand il aura pété des records à l'appel, qui sera peut-être MVP plusieurs fois, on pensera quoi? Que ce mec a fait 3 franchises, dont une pour aller chercher une bague, alors qu'il était dans son prime. Ah non, mais là, c'est fini. Hein. Je pense que maintenant, les mecs, on va voir. Généralement, on fait un classement par rapport aux bagues et tout, machin, pour savoir qui c'est les meilleurs joueurs de l'histoire, machin, c'est con, mais bon, bref. Je pense que les gens ont beaucoup plus de respect pour un mec comme Iverson, qui n'a jamais gagné de titre, mais qui a eu une carrière exemplaire, pour un Durant, baisser son froc pour aller gagner un titre. Vraiment, carrément. Parce que c'est ce qui s'est passé, le mec a baissé son froc pour aller gagner un titre. C'est pas possible, quoi. C'est ridicule, mais. Après, comme vous dites, c'est clair qu'à 3 points, ça partit. Et là, c'est clair que Curry, Thompson et Durant, oui, à 3 points, ça partit. Non, mais franchement, là, qu'est-ce que tu veux aller battre cette équipe? Comment tu veux battre? Ils ont décidé eux-mêmes de se foutre une pression énorme sur les épaules, hein, parce que la moindre défaite, ils vont être scrutés. Un truc de fou. Ah oui, c'est ça. Ça va être. Il y a 82 matchs dans la ligue, ça veut dire 41 déplacements dans lesquels ils vont être hués, mais j'en suis sûr et certain. Ah oui, c'est sûr. Mais je pense parce que c'est peut-être une des équipes les plus magnifiques qu'on verra jouer, mais ça va être une des équipes les plus détestées aussi. Ah, c'est sûr. Et à un niveau, parce que quand le Heat jouait avec Bosch, Wade et LeBron, quand même, il se faisait siffler dans les premières saisons. C'était quand même dégueulasse. Hein. La première saison, surtout, ça a été terrible. Pour moi, ça va être affreux. En plus, ils ont des mecs qui sont pas forcément ce que t'as de plus sympathique. Draymond Green, c'est un joueur fabuleux, mais bon, quand il s'agit d'être une belle salope, il est aussi. C'est ça, voilà. Je pense qu'ils vont se mettre une pression de fou malade sur les épaules. S'ils arrivent à gagner, et le pire, c'est que s'ils arrivent à gagner, ça sera juste logique. Ouais, et tu sais, c'est plus des joueurs qui sont sifflés. Parce que tu vois, par exemple, le Big 3 des Celtics, Amin-Drain, il t'en parle, on oublie que c'était un des premiers, et ils se sont pas fait siffler tant que ça. Ce qui s'est passé, c'est James qui s'est fait surtout siffler, et là, ça va être Durant qui va se faire surtout siffler. C'est parce que c'est les joueurs superstars comme ça qui sont partis de la franchise pour telle ou telle raison. Et les Warriors, là, c'est un assemblement de joueurs déjà détestables. Curry, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent pas le blairer. Durant, maintenant il a tous les fans de la NBA maintenant. Mais moi j'attends qu'une chose, voir le match des Warriors au Thunder. Ça va être un truc parce que les mecs en face, notamment Westbrook, ils vont être motivés comme un fou. Lui. Westbrook, il va avoir la bave aux lèvres. J'ai peur qu'il y ait trop de bave justement et que les filles ils se touchent pour le match où ils doivent bien jouer. Et le public, ça va être terrible. Hein. Ça va être pire que le retour de James à Cleveland. Surtout à OKC, c'est chaud à OKC en plus. Oui, en plus l'autre, il a quand même. De rien, enfin, pour le coup, j'exagère peut-être un peu, mais il les a baisés, quoi. Enfin, il, ouais, franchement, quand il dit, quand il voit venir Oladipo avec, enfin, suite au trade avec Magic, quand il dit, ouais, c'est mon pote et tout, on a déjà, il y envoie des textos en disant que ça va être énorme, machin, on va faire de grands trucs ensemble. Putain, il signe aux Warriors, quoi, 2-3 jours après. Mais franchement, grosse quenelle. Ah bah oui, mais là, ah oui, là c'est fabuleuse. Hein. Là, c'est de niveau 10, là, attention. Bah là, oui. Là, il aura fait l'anus pendant 3 jours, quoi. Je veux dire, tout le monde à Oklahoma se souvient de ce qui s'est passé le jour où il a annoncé qu'il partait, quoi. Ah bah, ils avaient tous la rondelle brûlée de 10 cm. Hein. Ils ont tous brûlé son maillot. Ah ouais, mais là... Voilà. Encore, il serait parti pour, je sais pas, pour Boston, même pour Washington, qui est sa ville natale, machin, il a tout été à Washington, machin... Ça aurait... bon, voilà, je pense qu'à Oklahoma City, j'aurais eu des boules, mais si tu veux, ça peut se comprendre. Il y avait un minimum de grandeur à changer pour aller à Boston ou à Washington. T'avais une histoire à écrire. Tu disais, bah, déjà, t'allais à l'Est pour concurrencer le grand. Voilà. Il écrivait son histoire à Boston. Ouais. Alors voilà. Que là, il va écrire l'histoire de Curry, quoi. C'est ça, mais c'est ça. Parce que même après qu'on aura l'histoire, tu diras pas que c'est Durant, tu diras que Curry, et voilà. Je veux dire, Durant va passer pour un soldat de Curry. On verra la répartition entre les deux. Mais après, enfin, moi, je. Mais pas, enfin, après, ça en dit beaucoup sur cet effectif-là aussi. Peut-être que les mecs ont vraiment envie de gagner. Mais moi, je serais que les Thompson, mais je pèterais un plomb, quoi. Enfin, je veux dire, on me fout. Je fais une saison monstrueuse derrière l'autre qui est quand même. Qui est peut-être un genre. Magnifique Curry, mais qui a quand même tout du petit merdeux parfois. Je pense que je peux être franchise player dans mon équipe. Putain, on me refoue l'autre en plus dans les pattes. Je deviens quoi, troisième, quatrième option? Troisième, on a... Ouais. Et c'est pareil, Green, c'est pas une grande gueule. Hein. Tu dis que mais même Green, qui est quand même pas le plus sympathique de la ligue, le gars il va passer quatrième ou quoi quasi. Apparemment, il accepte tous quoi. Tu vois, Green, à la limite, c'est son parcours aussi un peu qui fait ça. Oui, le mec se drafté deuxième tour, qui est monté tout seul. Ouais, enfin, voilà. Même à Michigan, c'était déjà un joueur qui est monté seul. Je pense qu'il a plus tendance à accepter, ouais, mais après, on dira quoi là en juin, si jamais il gagne le titre, c'était une saison magnifique, histoire pas du tout attendue. Bah non, c'était un truc scripté depuis le début. On aurait pu dire en début de saison, ils vont le gagner. Ouais. C'est limite, on attend de voir les acteurs qu'il y aura en face. Quoi. Ah, bah, de toute façon, ils vont jamais se résister s'ils gagnent. C'est bon, on le savait, et s'ils perdent, ils vont se faire traiter tous les noms et ce sera bien fait pour leur gueule. Ils seront jamais les gagnants dans l'histoire. Tu vois, moi, je suis pas un grand fan de Cleveland et de LeBron James, mais sans déconner, je rêve que d'une chose, c'est qu'ils refassent la même que cette année, sans déconner. Ah. Moi, je rêve d'autre chose et je te le dirai dans mon promo des finales, si tu veux. On va dire que c'est Boston qui gagne, attention. Putain. Oui, non, mais ça n'arrivera jamais. On verra. Allez. Ouais, voilà, pour terminer sur l'Ouest, avec une belle petite pente de... Classement, du coup, Est-Ouest. Allez. Oh là là. J'ai en premier. Vas-y. Parce que je pense que vous avez rien branlé, bande de petits polissons. Ah non, mais freestyle. Hein. Freestyle, alors à l'Est. Moi, j'ai mis Raptors en 1. Ah, pleure, ça Cavaliers en 2, Celtics en 3, Pacers en 4, Pistons en 5, les Hawks en 6, les Bucks en 7, et Washington. Ouais, souvenez-vous-en, absolument rien de tout ça ne se passera l'année prochaine. On les notera, t'inquiète pas, on les notera. Ah oui, non, mais ça... Après, moi, je pense quand même qu'en 1, ça va être les Cavaliers. Pour moi, être au-dessus des tout, quand même, normal, être autre chose que numéro 1. Après, pour le reste, Boston, où je vois top 3, ils ont le niveau pour être 3. Sinon, après, pour les autres, ouais, je pense que ça sera à peu près la même chose. Cavs en 1, Pacers en 2... Celtics en 3, Raptors en 4, Hawks en 5, Pistons en 6, les Bulls en 7 et les Bucks en 8. Moi par contre, tu vois, les Bulls, je les vois pas. Franchement, moi, ça me choquerait pas. Ouais, ça me choquerait pas. Non, ça reste, l'état. Quoi qu'on en dise, ça reste un Dwayne Wade, ça reste Butler, ça reste Rondo, ça reste surtout Butler Wade, deux bons joueurs. Gibson, hein, le rookie qu'ils avaient l'année dernière en 5, mine de rien. Ouais, ça devrait faire quand même les playoffs. Un peu le Mirotic en 4. Ouais, ça serait peut-être mieux qu'on croit, encore que. Et part pour l'Ouest. Allez. On est d'accord que les Warriors font 1. Non. D'accord. Ah non. Moi j'ai mis Warriors en 1. Voilà, je pense que Cris vont arriver. Rockets en 2. Oh putain. What? Oh putain. Les Spurs en 3. Les Mavs en 4. Et vive le Texas, les gars. Oh là là là là là. Les Spurs en 5. Oh non. Les Blazers en 6. 5ème. Le Thunder en 7. Et les Wolves en 8. Oh là là là là là là. C'est quoi ce classement? De la merde. Ah oui, bah oui. Clippers en 5. Donc moins de 50 wins Caraca à peu près. Ah bah, j'attends de voir ça. On ressortira, comme ils disent souvent sur RMC, on ressortira les bandes. C'est ça. Spurs en 1, Warriors en 2. Clippers. Ah ouais, Spurs en 1. Les Spurs, ils vont se défoncer pour aller chercher l'avantage du terrain. Avec Belichick. Avec Popovic, quoi. Oh bordel, Belichick, Popovic. Et bah, tu vois, je me dis que Popovic, il va quand même voir qu'il y a quand même une armada en face de lui. Et il peut peut-être se dire que sa seule chance, c'est de jouer tout, c'est d'avoir l'avantage à Fora Lavo et de jouer en premier. Et les Warriors voudront pas nous mettre comme contre le Thunder l'année dernière. mais les Warriors voudront peut-être pas non plus faire l'erreur de trop se péter les genoux pendant la saison et vont reposer leurs joueurs. Et vu la gueule de l'effectif derrière, ils vont perdre pas mal de matchs en tournée. Je les vois, il y a moyen que les Spurs passent à une win, deux win devant. J'ai envie de tenter. Spurs en 1, Warriors en 2, Clippers en 3, Rockets en 4, Blazers en 6. Eh bah oui, quand même, autour de 45, 46, 47, 48, 49 win, on va dire. Blazers en 5, Wolves en 6, Thunder en 7 et Mavs en 8. On a les mêmes, on a le même. J'imagine les Jazz et le Grizzlies à la porte. Ouais, c'est juste derrière. Alors moi, je vais mettre les Warriors en 1, les Spurs en 3, les Clippers en 4, les Mavs en 5, les Blazers en 6, les Rockets après en 7, les Wolves et en 8, le Jazz. Je mets pas le Thunder, moi. Monsieur Baloche. Ouais. Ah, j'ai juste mis le Jazz ou quoi. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois la densité des équipes à l'Ouest, bah, ça serait pas une grosse surprise. Ouais, c'est pas. MVP de la saison. Je t'en prie. Paul George. Oh putain, j'avais la même. Paul George aussi, ouais. Paul George, parce que. Ouais, Paul George ou LeBron s'il fait une saison à fond, mais j'y crois pas. Je pense que LeBron il va tourner. Enfin, ça va être dit de sortir un mec des Warriors au même moment. C'est Paul George ou Harden. Parce qu'en fait, il y a deux choix. C'est. Enfin, peut-être. 3 si je veux compter Kawhi et Leonard, mais bon, j'y crois pas trop. Disons que si LeBron se dit j'ai rien à perdre, je dois. Parce qu'il parle souvent cette idée de rattraper un fantôme de Chicago, on se demande qui c'est. Et bien, s'il veut rattraper ce fantôme de Chicago, il a intérêt à choper des MVP encore. Et il est bientôt plus dans le prime de sa carrière, il est quand même vraiment sur la fin. Il pourrait peut-être tout donner cette saison. Mais même si j'y crois pas, donc ce serait LeBron ou Paul George, parce que Indiana, deuxième à l'Est. Fantôme de Chicago, c'est Dwayne Wade. Moi aussi, je vais mettre Paul George. Je pensais faire dans la surprise, mais. Eh bah, tu vois, c'est pour ça que je pensais faire dans la surprise aussi, tu vois. Bah, non, parce que je vois pas, enfin, j'espère pas un des Warriors. Non. Et après, je vois pas qui. Voilà. Non, mais les Warriors, le problème, c'est que Curry, gagner 3 MVP à la suite, les mecs, ils le font pas. Les journalistes, c'est pas des cons, ils en ont marre au bout d'un moment. 3 MVP à la suite, tu verras que ça se fait jamais. Surtout avec une super team qu'ils vont avoir. Durant, ça va faire James 2011, il va se faire traiter tous les noms, il aura jamais le MVP. Donc Harden, faut qu'il soit dans le top 2, top 2, top 3. Westbrook, c'est le même topo. Donc il reste quoi? Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James et Chris Paul si les Clippers font une bonne saison. Et 3 MVP dessus, ça s'est déjà vu. Les milliards. Ouais, mais ça s'est pas vu depuis Larry Bird. Hein. C'est ça. Ça fait longtemps quand même, Larry Bird. Ah bah, Larry Bird, le dernier, 86. Et ça fait un bon petit 30 ans, quoi. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Surtout qu'ils vont se séparer les ballons. Et même sur le principe, c'est une équipe trop stackée, tu vois, pour tu donnes la MVP là-dedans. Non, mais voilà, donc moi, c'est pour ça que je serais beau. Rookie de l'année. Ah, j'étais belle surprise encore. Buddy. Bah, genre, au départ, j'aurais bien dit Ben Simmons, mais je l'ai pété. Allez, je vais jouer un peu la surprise, je vais dire Chris Dunn. Moi, je pars sur Joel Embiid. C'est vrai qu'il est considéré comme rookie, lui, putain, c'est vrai. Ouais. Rigolez pas, mais le nombre de victoires au rookie, on n'a rien à péter. Et Embiid va jouer 25-26 minutes par saison, par match. S'il reste en bonne santé, dans le marasme des Sixers, il va faire ses stats. Hein. Je pense que ça vient principalement de ce que tu as dit, le s'il reste en bonne santé. Ouais. C'est le gros gros si, en fait. C'est la question, mais franchement, le peu qu'il a montré en pré-season, oh là là, quel potentiel ce joueur, mais des deux côtés du terrain, c'est un futur monstre, quoi. C'est un truc de fou. Ah, c'est dommage pour lui, ouais. Most improved player, Oladipo. Oh, Scott, Oladipo. Ouais, c'est ouais, Scott. Là, je vois pas. Peut-être Evan Fournier qui va prendre l'avant. Il est capable, hein. Même si c'est risqué, mais. Moi, je vois Miles Turner. Belcote aussi, ouais. Ouais, Belcote aussi, ouais. Sinon, ouais, L'année dernière, McCollum était tellement comme une évidence, il partait de zéro à starter. Là. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Après, il y en a un qui a une cote à jouer, mais bah, le classement, je crois, moyen, c'est Russell. Le problème, c'est que le classement, ça va passer à la pénalité. Je pense que ça passera pas. Ouais. Parce qu'il nous fait une pression tarée, quand même. Il est 7 de fou. Il va faire une belle saison, c'est sûr et certain. Il est libéré de la commande. Il n'est plus Mamba dans les pattes, donc de ballon. Parce que là. Mamba entre les jambes. Défensif player of the year. Tu viens à cheville. Ouais, il est aux armes. Il me paraît tellement destiné à l'avoir tous les ans maintenant. J'ai du mal. J'aurais bien dit Draymond Green, mais bon, pareil. Est-ce que les journalistes voudront voter un Warrior? Il y en a un qui a une belle cote aussi, c'est Drummond. Ouais, je sais pas. Ouais, défensivement, il est pas solide. À ce cas-là, tu mets DeAndre Jordan peut-être, mais non, mais bon, pas de... Bon, après, tu sais, Jordan, il a des votes tous les ans quand même. Oui, mais ouais, mais après, c'est quoi? C'est défenseur au rebond, quoi, en fait. Ouais, bah après, il y a Whiteside aussi. Mais Whiteside, bon. Ouais, éventuellement. Mais après, faut vraiment. Alors, lui, par contre, pour le coup, il va vraiment être protection de raquette à 100%. Ah là, ouais, c'est sûr. Je pars sur Kawhi Leonard. Ouais, j'étais. Sixième homme. Kawhi Joseph, bon. Ouais. Tu vas chercher loin ton sixième homme. Je vais le chercher sur le Twitter de Freeze. Ah oui. Ah oui, là. Bon rendez-vous, la fabilité. Hein. Freeze, on pense à toi. Ouais, bisous. Sixième. T'as des mecs dans certaines équipes, tu pourrais l'avoir, mais trop bas. Ah ouais, faut une bonne équipe hein, quand même. C'est ça, ouais. Une idée, Max, ou pas? Bah là, tu vois, non, tu vois, non, j'en ai pas. Moi, je le. Jamal Crawford, encore une fois. Ouais, mais 6ème homme, j'ai envie de faire les top équipes, bah pas beaucoup. Tête Evan Turner, c'est une belle saison. Jefferson, peut-être? Ouais, Jefferson, peut-être. C'est compliqué, 6ème homme, genre. Tu sais pas trop comment les Eagles s'organisent. Coach of the Year? Je sais pas pourquoi je crois qu'on aura le même. Je t'en prie. Tom Thibodeau? Ah bah non, on avait pas le même. Non, Brad Stevens. Ouais, Brad Stevens. Ah oui. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on se rende compte, enfin qu'on reconnaisse le fait qu'il fait quand même beaucoup de choses avec 100 superstars. C'est ça, ouais, je pense que les gens le reconnaissent, mais peut-être pas assez encore. Ouais, Brad Stevens. C'est vraiment aussi saluer le fait que quand même depuis l'ère post-Big Three, Boston s'est quand même reconstruit de façon vraiment admirable, je trouve. Rapide. Ouais, rapide, en plus en faisant des playoffs quasiment. Ça fait 3 années de suite maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça tombe bien quand même. Après, bon, peut-être que certains diront qu'il profitait que l'Est est un peu faible. Mais... Il a quand même fait un bon bilan l'année dernière. Hein. Il est en playoff à l'Ouest aussi. Hein. Ouais, mais la transformation de certains joueurs, Marcus Smart, c'était un vrai bulldog défensivement. Là. L'année dernière, sur Al Horford, il lui fait la misère. Quoi, alors, ouais. 4. Même Isaiah Thomas, quoi, si ça continue comme ça. Non, mais ouais, parce que sur ce coup-là, tu peux m'en mettre. Donc, Max va mettre le téléphone. Non, j'ai des Brad Stevens. Ah, ouais. Luke Watton, ça sera dans 2-3 ans que les top et les numéros. Quand Russell sera MVP. Ah, mais ouais, mais il le sera, c'est sûr. Il y en a qui ont parlé des couilles sur des trucs comme ça. Je n'y risquerai pas quand même. pour terminer en beauté, votre finale, même si c'est quand même dans très très longtemps. Et bah, quelle surprise, un Cavs Warriors. Warriors de Boston. Ouais, quelle surprise. J'en rêve. Non, mais très franchement, j'en rêve. Et je rêverai encore plus que Boston l'état. Ah, mais tu sais, dans une finale, tout le monde sera pour les palais. T'inquiète pas. Bah, ça... Mais pff, ouais, Boston, on verra. Par contre, si ça arrive, je pense que je vais mettre une petite cote à Vegas. Parce que ça arrive, mec. Et puis surtout, si ça arrive, putain, qui c'est le MVP côté Boston, quoi. Bah, Thomas. Et le vainqueur? J'espère. Bah, attention, j'espère Boston. Ah, tout le monde sauf les Warriors. Enfin, cette année, de toute façon, je suis pour deux équipes à NBA. Boston et celle qui joue contre les Warriors. Donc, comme ça, toutes les journées. Ah, on sera beaucoup pour supporter les Cavs, c'est bien. Non, mais ouais, moi aussi, j'espère que les Cavs cette année. Et moi, ça, c'est pareil. Hein. Je vais être pour les Lakers, c'est pas sort de Warriors cette année. Mais objectivement, je vois absolument pas comment. Quelqu'un peut battre les Warriors. Objectivement, ça me paraît tellement. Sur le papier, ouais, sur le papier. C'est limite déprimant, tu vois. Ouais, c'est parfois, il y a une certaine forme de justice divine, un talon d'Achille qui cache, des croisés qui volent en éclats. Durant, il va peut-être se repéter le pied. Un Steven Adams un peu énervé qui va foutre un gros coup dans la tête. Durant, donc bon, c'est pas. Ouais, on verra, mais ouais, ça me déprime un peu. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait. Bon, après, je suis pas un gros suiveur de NBA non plus. Ça a dû s'entendre d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas la moindre passion à suivre la saison. T'as l'impression que tout est tellement scripté jusqu'au bout que. Ouais, c'est. Bon, on verra bien. Après, la première saison de James à Miami, on dira, tu as gagné contre ces signes d'avant. Ouais, mais. Je pense que c'était pas aussi déséquilibré. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Puis surtout, c'est, enfin, la première année, c'était un pic qui se connaissait pas. Voilà. Là, franchement, il y a 4 mecs, il y en a 3 qui se connaissent par cœur. Et le quatrième, il a juste à glisser en plein dedans et c'est fini. Ah ouais, c'est... On verra. Bon, bah écoutez, on a prochainement 2 heures de podcast, me semble-t-il. Oh, je pense qu'on les a, là. Enfin, c'est difficile de faire moins. Je vais quand même vous passer en rafale les questions que m'ont soumis quelques-uns de nos fidèles auditeurs. Parce que oui, j'ai sondé quelques fidèles auditeurs pour avoir des questions. Je demande des réponses rapides et simples, et on conclura là-dessus. Des oui ou des non, c'est ça? Tu les as sondés au sens propre ou au sens figuré? Ça dépend pour certains. Mais... je vois. Allez, oui ou Val, je pense à toi. On prend des réponses courtes. Plus de 73 victoires pour les Warriors? Non. Qui de Giannis ou Towns au All-Star? Ah, Towns, sur certain. Towns. Dans quelle équipe va finir Chris Bosh? Aucune. Combien de matchs avant qu'Embiid se pète? 82. 35. Il jouera toute la saison, en gros. Combien de matchs pour Derrick Rose cette saison? 50. Il en jouera 55-60 sur la saison. Oh, 50. Ben Simmons va-t-il tourner à 25-5 à son retour? Bien évidemment. Il va même tourner à 28-8, les gars. 28-8. Ça, c'est dans ce type, on aime ça. Combien de techniques pour Boogie? 13. Maximum, hein, 16. Est-ce qu'il finit la saison à Sacramento? Oui, parce qu'il est con. Oui, ouais, je pense aussi finir. Est-ce que Griffin finit sa saison aux Clippers? Oui. Ouais. Ok. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. On a dit pareil. Donc, de toute façon, tous rendez-vous, enfin, pour le peu d'auditeurs qu'il va y avoir à la draft NFL de Fantasy League NFL de lundi soir, dans une semaine. Ouais, pas NFL. Hein. Ouais. Pardon, NBA, oh, putain. C'est bientôt la NFL, d'accord. Ouais, NBA dans une semaine. J'ai dévoilé certains mecs de mon ranking intro là-dessus. Ah, mais moi aussi, hein, moi, il y a des mecs que j'ai carrément dévoilé. Hein. Genre le MIP, tu vois. Bon, ceci dit, c'est pas comme si j'ai des choix légendaires. Hein. C'est pas comme si j'ai des chances de pas drafter, donc personnellement. Mais de toute façon, pour ce que je vais faire, on s'en fout. Max, c'est trop bon. Non. Mais en tout cas, c'était bien cool, les gars. J'espère que tout le monde a passé un bon moment à écouter. Puis on vous dit à bientôt et une bonne saison à NBA, du coup. C'est arrivé jusqu'au bout du podcast. Bonne saison. Bon, merci. Ouais. Allez, salut tout le monde. Salut.